C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de thèmes émergents. C'est fou de la musique. C'est fou de la musique. C'est fou 89 ans. 89 Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Maxime Bilodeau nous expliquera ce qu'est un sport dans sa chronique d'une foulée à l'autre. On retrouvera l'équipe symbiotique composée d'Adjulie Durocher et de Jasmine Raymond-Dreyville, mais c'est vrai que Jasmine n'est pas là ce matin. Et on parlera de politique avec François Landry. Assemblage requis commence maintenant. Association constante, obligatoire et spécifique entre deux organismes de pouvant vivre l'un sans l'autre. C'est ça, symbiotique. Et apparemment qu'ils peuvent vivre l'une sans l'autre parce qu'une et l'autre ne sont pas là tout ensemble. Voilà. Donc, bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 28 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut, hey, t'es là. Oh, la magie. Satan. Toujours la magie. Donc aujourd'hui à l'émission, on va faire un petit peu le résumé plus complet du plan. Maxime Bilodeau, sa chronique d'une foulée à l'autre, on dit qu'il va nous expliquer ce qu'est le sport, c'est quoi c'est un sport. Je lis ce qu'il nous a envoyé. Les questions les plus fondamentales sont souvent celles qui laissent place aux plus grandes et enrichissantes réflexions. C'est pourquoi cette semaine, nous en explorerons deux particulièrement troublantes. Qu'est-ce donc un sport et qu'est-ce que la santé? Comment les définit-on? Quelles sont leurs multiples dimensions, mais surtout, quelles sont leurs limites respectives? Donc c'est jeudi à 7h30 ce matin. Des réponses toutes sauf définitives et tranchées à ces vastes questions. Oh. Ensuite de ça, à 8h, Anne-Julie Durocher, sa chronique L'Index, nous présente comme toujours une chose qui l'a marqué pendant la semaine. On fera aussi la chronique de la GEQTR, même sans Jasmine Raymond-Dreyville. On est habitué, on connaît ça. On va parler des élections qui ont lieu jusqu'à ce soir, 23h45. Bien tapante. Ce sera à 8h donc. À 8h30, François Landry et sa chronique politique Logocratie 101. Et son thème d'aujourd'hui, c'est le budget fédéral. Il nous dit budget fédéral, un budget politique ou économique. À voir. À voir. Sinon, autour de ça, on va avoir du temps à combler. Hein? Avec qui c'est que c'est quand même vers la fin. En fait, en deuxième heure, on va débuter avec son foutu palmarès tantôt. Et on va faire le palmarès des inventeurs tués par leurs propres inventions. Tu sais, la semaine passée, on parlait des inventions bizarres. Ben, j'étais pas loin. C'est vrai. Mais tu me l'apprends. Ben oui, puis c'est bien bon. Ouais. Donc voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Je pense que ça va être pas pire, ça va être pas pire pendant tout. On débute en musique avec la formation avec podcast. Voici Mon dos n'est pas une chaise. Assemblage requis en direct de Trois-Rivières. Mon dos n'est pas une chaise. Pourquoi tu t'assois dessus? De tout ton poids et de tout ton malaise, qui est comme un perdu. Ce n'était que de la glaise, nos bottes ont fait de grands trous, qui se referment comme des pièges derrière. Comme des pièges derrière nous. Mon dos n'est pas une chaise. Toi t'es une antenne brisée. Y'a juste la neige qui rentre dans ton canal. C'est l'hiver à l'année. Tu défends ou tu protèges. Des broches dans tous les coins. Drôle de manière d'avoir envie de rien, de nous le faire savoir. Mon dos n'est pas une chaise. Comment faire pour te convaincre que l'univers commence où tu t'arrêtes? nous avions laissé nos rêves jackés sur des blocs de ciment. Nous les remettrons en état. C'était Mon dos n'est pas une chaise d'Éric Podcast qui est Assemblage Requis. Il est 7h09 minutes. Et vous savez, les gens, ce qu'ils aiment le plus dans la vie, je dirais, c'est des fois, moi, je dirais les pâtes. Peut-être la pizza, la poutine. Ça passe bien. Ça passe bien. Ça commence bien une journée. Oui, c'est ça, pour le matin. Là. Une pizza déjeuner, c'est bon en tabarnouche, par exemple. La petite sauce béchamel. Là. Ah. Où ça s'en va, tout ça? Chez Mike's. Ça s'en va chez Mike's. Voici, ils sont foutus, palmarès. J'ai parti trop vite, ça a l'air fou, je vais recommencer. OK, vas-y. Voici, ils sont foutus, palmarès. De retour de ce long périple. Ce rond périple. D'accord. Donc, c'est la chronique Sont foutus palmarès où on vous présente une liste de choses insolites. Et aujourd'hui, c'est le palmarès des inventeurs qui ont été tués par leurs propres inventions. Après la semaine passée où on avait parlé des inventions les plus bizarres du monde, vous pouvez retrouver les liens sur assemblagerequis.com. Mais là, c'est donc top des palmarès des gens qui sont morts de leurs propres inventions. Donc, Franz Reichelt, le 4 février 1912. C'était un homme français né en Autriche, Franz Reichelt, qui est grimpé au sommet de la Tour Eiffel avec un habit qu'il a créé lui-même. Dans le fond, c'était un couturier, c'est un gars qui fait des habits, qui fait des vêtements. Donc, c'était fait un wingsuit, là, comme pour comme un écureuil volant. Là, ah ouais. Comme on voit à la télé avec les GoPro et de ce monde. C'est exactement, mais beaucoup moins avancé que ça. En 1912. Voilà. Donc, il voulait, au départ, il a invité les journalistes à cet événement-là en disant qu'il allait utiliser des dummies là, pour montrer que son truc qu'il avait fait lui-même, son vêtement, pouvait faire planer une poupée. Mais à leur arrivée à la tour, dans le fond, il a annoncé que c'était lui qui allait faire le saut lui-même. Ses amis ont essayé de l'empêcher. Il disait que la vitesse du vent, le sens du vent et un paquet d'autres facteurs ne marchaient pas avec ça. Et d'ailleurs, il y avait eu des essais ratés avec des poupées dans le passé. Mais ça n'a pas dérangé Reichelt du tout. Il n'avait pas froid aux yeux. Pas froid aux yeux. Il n'a pas utilisé de corde de sûreté, il n'a pas utilisé de précaution du tout. Il voulait essayer lui-même l'expérience sans piège, sans filet, si on veut. Donc, on disait dans les journaux que son vêtement était juste un petit peu plus épais que des vêtements ordinaires, mais avec un genre de cap à l'arrière, un petit peu comme de la soie. Donc, pour relâcher le parachute, qui avait une surface de 320 pieds carrés, une hauteur de 16 pieds, Reichelt avait juste à étirer ses bras pour que son corps soit dans une position de croix. Donc, à 8h22 du matin, Reichelt était au sommet de la Tour Eiffel. Il a ajusté son habit. Il a fait face à la Seine. C'est la Seine. Il a testé la direction du vent en jetant un morceau de papier. OK. Et ensuite, il a placé un pied sur le rail. T'es le vrai joueur de golf. Vraiment. Avec le gazon. Avec le... il a été observé par 30 journalistes. Deux gens qui des cinématographes, genre, qui devaient filmer un peu. Filmer avec ce qu'on avait à l'époque. Et donc, la foule était en bas de lui, en dessous de lui. Et il a sauté. Évidemment, ça n'a pas pris beaucoup de temps. 187 pieds de distance. Il a laissé un cratère de 5,9 pouces de profond quand il est... Il est tombé au sol. Ah, je ris, mais c'est pas drôle. Non, c'est ça, exactement. Et selon le journal qui est sorti, selon le magazine Popular Mechanics d'avril 1912, on dit que son corps était rendu une masse. Genre, c'était même plus un corps en format de corps, c'était juste une masse, un blob. Ah, c'était un tout. Un tout. Et puis, il était mort avant de se rendre en bas. On a déterminé dans l'autopsie qu'il était mort d'une attaque cardiaque pendant sa chute et non pas en frappant le sol. C'est quelque chose. Ensuite, Thomas Midgley Jr., qui est un ingénieur américain et un chimiste aussi. Il a développé des additifs pour le gaz, des CFC, ce qu'on trouve dans les aérosols. Il a reçu au-dessus de 100 brevets dans sa vie. Il a attrapé la polio à l'âge de 51 ans. Il a appliqué cet esprit de l'inventeur à sa maladie en créant un système de cordes et de poulies qui allait faciliter, qui allait aider les autres à le relever de son lit. Donc, en 1944, à l'âge de 55 ans, Midgley est devenu, s'est pris dans ses propres cordes et a été étranglé. Oh. Par son système de cordes et de poulies. Ouais. Henry Smolinski est notre prochain inventeur mort par sa propre invention. Donc, l'ingénieur Henry Smolinski voulait créer une voiture volante commercialement viable. Donc, il a démissionné de son emploi chez Northrop et a démarré une compagnie qui s'appelle Advanced Vehicle Engineers. En 1973, la compagnie a construit deux véhicules prototypes nommés AVE Mizars en fusionnant l'arrière d'un Skymaster Cessna, qui est un avion qui pouvait être attaché et détaché de la voiture. Et tout ça, c'est attaché à une Ford Pinto. Oui. Donc, les véhicules étaient supposés entrer en production en 1974, mais le 11 septembre 1973, Smolinski et son ami Harold Blake ont été tués lorsque l'aile s'est détachée du véhicule pendant un vol test. Et on blâme de mauvaises soudures. Hey. Pour l'accident. Ouais. Ouais. Une fusion entre un Cessna et une auto, c'est malade. Aïe, aïe, ben, peut-être qu'on est peut-être rendu là, peut-être un jour. Peut-être. Si on avance un petit peu plus que ça. En même temps, si tout le monde s'achète des Cessna pour conduire en ville, c'est des autos volantes. Et voilà. ensuite, Karel Susek, en 1984, le cascadeur tchécoslovaque Karel Susek a descendu les chutes Niagara dans son baril absorbant, absorbant des chocs, le genre, shock absorbent. Et tabaslac, les comiques. la barrique. donc, c'est un baril qui faisait 9 pieds de long et 5 pieds de diamètre. Il en est sorti vivant, mais saignant en bas. Il a décidé de construire un musée dédié à ses équipements de cascadeur, donc aux chutes Niagara en Ontario, pour financer le projet. Il a convaincu une compagnie de commanditer une autre cascade folle, donc de descendre avec un baril sous sec à l'intérieur, 180 pieds de distance entre le Houston Astrodome jusque dans un tank, genre une piscine d'eau, un bassin d'eau. Donc ça faisait partie d'un Thrill Show and Destruction Derby qui devait avoir lieu le 20 janvier 1985, mais qui a eu lieu. On dit que même le Daredevil Evil Knievel a essayé de l'empêcher de le faire, disant que c'est la chose la plus dangereuse qu'il avait jamais vue. Le cascadeur l'a fait quand même. Lorsque le baril a été relâché, il a commencé à tourner dangereusement. Il a frappé le bord du bassin au lieu de l'eau. Et donc l'homme de 37 ans, son abdomen et sa poitrine ont été complètement... compressé, mais écrapou, très bien dit. Et son crâne a été fracturé et il est mort à l'hôpital pendant que le spectacle avait encore lieu. Ha! Ouais. Show must go on. Exactement. Ensuite, William Nelson, pas Willie Nelson, mais William Nelson est le prochain sur la liste des inventeurs tués par leurs propres inventions. Donc, le 3 octobre 1903, un employé de chez General Electric de 24 ans, William Nelson, a pris un nouveau vélo motorisé qu'il avait inventé. Il l'a amené pour faire un petit test, là, tu sais, juste un test spin. Donc, il est tombé de son vélo sur une petite colline et est mort instantanément. Selon le New York Times, Nelson était un inventeur avec beaucoup de potentiel, mais il est juste tombé puis il est mort. Il est mort. Triste, hein? Mais il a dû faire une commotion. Peut-être. Je sais pas. Quand je suis pas médecin. Mais non. Personnellement. Genre, je vois un à la radio. Ouais. Le prochain est Valerian Ivanovich Abakovsky, qui avait seulement 25 ans. C'est un homme quand il a inventé l'aéro-wagon, donc un rail car à haute vitesse équipé d'un moteur d'avion et de traction à hélice. Donc, c'était fait... c'est ça, propeller traction? Traction à hélice, pas mal ça. Donc, qui était fait, dans le fond, pour amener les officiers soviétiques de Moscou et vers Moscou. C'est comme un transport vers Moscou et de Moscou. Donc, le 24 juillet 1921, un groupe de communistes, dont Abakovsky, le révolutionnaire Fyodor Sergeyev et quatre autres ont amené l'aérocar pour le tester. Le véhicule s'est rendu de Moscou jusqu'à Toula, mais en revenant, ils ont déraillé à très très haute vitesse, tuant tout le monde à bord. Mm-hmm. Triste. Ensuite, on poursuit la liste des inventeurs morts par leur propre faute, si on veut. C'est William Bullock, le prochain, qui a inventé une sorte de presse à impression qui fonctionnait avec un rouleau de papier continu. Donc, en 1867, soit il a, je sais pas, il a comme pris son pied dans un des mécanismes, ce qui a fait qu'il a été infecté dans sa plaie. Il a eu la gangrène, éventuellement, il est mort. Donc, pauvre gars. Moi, je pensais que ça aurait été comme dans les films, tu sais, puis vraiment, tu sais, son lacet se prend dans le rouleau, puis là, finalement, il passe au complet. Sa cravate. Ouais, sa cravate, oui. Exactement. Ah, ben quand même. Ou comme les annonces de la CSST. Non? Oui, ça, c'est vraiment dégueulasse, ces pubs-là, mais c'est tellement efficace, je trouve. Le prochain est Horace Lawson Hunley en 1863. Hunley était l'ingénieur derrière un des premiers sous-marins de combat pour la Confédération pendant la guerre civile. Donc, même si le sous-marin avait déjà été coulé une fois, ça avait tué la majorité de son équipage. Hunley était quand même à bord du CSS Hunley pour son deuxième essai à la Union Blockade de Charleston, où il s'est aussi noyé avec tout son équipage, donc dans son sous-marin. Il ne devait pas être si étanche que ça. Non. Ben, en tout cas, si on s'enfuit à la photo, il y a pas mal de trous. Je sais pas. Hein? Non, ben, c'est une blague, là, mais. C'est rouillé. Hein? Oui, c'est pas mal rouillé. Mais lui, il s'est dit, oh, ça y arrivera pas deux fois, tu sais, puis il va s'essayer. L'éclair frappe pas deux fois le tonnerre à deux, au même endroit deux fois. Oui. Qui le veut bien. Oui, c'est ça. Le suivant est Alexander Bogdanov. Donc, c'est un physicien qui a inventé la transfusion sanguine pour voir si ça pouvait avoir des effets rajeunissants sur le corps humain. Donc, Bogdanov est mort en 1928 après sa 12e transfusion qui était soit infectée ou soit du mauvais type sanguin. On n'était pas encore rendu à savoir les types sanguins des gens, apparemment, en 1928. Je sais pas. Mais bref, 12e transfusion. Mais quand même, 12e, il a été chanceux. Oui. Parce que ça aurait pu arriver pas mal avant. Oui. Les prochains, c'est Harry K. Daglian Jr. et Louis Slotin. Deux physiciens qui faisaient des expériences sur le plutonium pour le Manhattan Project. Ils sont tous les deux morts à cause de doses fatales de radiation à un an l'un de l'autre, en 1945 et en 1946. Ensuite, on passe à Max Valier, un rocket scientist qui a inventé des moteurs de fusée. Donc vraiment, c'est un rocket scientist. C'est quand on dit « pas besoin d'être un rocket scientist pour savoir ça », ça existe pour vrai, ce métier-là. Ça, mm-hmm. C'est un scientifique des fusées. Et non pas des petits bonbons. Non, des roquettes. Les roquettes. Ni le joueur de hockey, le rocket. The rocket. The rocket. Ou l'instrument de cuisine, le rocket chef. Oui, ou le popsicle. Le rocket popsicle. Merde, tu gagnes. J'en ai plus. Pause. Okay. Pause. 7h19, note la blague. Donc, il a inventé un moteur de fusée qui fonctionnait par liquide. Donc, alors qu'il était... pendant qu'il travaillait avec la société de fusées allemande Verenfuhr Raumschifffahrt. Il a été tué en 1930 quand son moteur a explosé sur le banc de test. C'est aussi simple que ça. Et finalement, Thomas Andrews, qui construisait des bateaux, c'était l'architecte chef naval du HMS Titanic. Devinez ce que ça veut dire. Il était à bord du bateau quand il a coulé en 1912. Et petit bonus ici, sur l'article de BuzzFeed.com, il était joué par Victor Garber dans Titanic de James Cameron. Donc, vous. Si jamais on le réécoute en fin de semaine, ça va pouvoir faire « C'est lui! » Ah, il est mort! Donc voilà pour le palmarès des gens qui sont morts, des inventeurs qui sont morts à cause de leur propre invention. C'était son foutu palmarès. C'est intéressant. Pas mal le fun. J'ai bien aimé ça lire ça. J'espère ne jamais être ce palmarès-là. Ben, il vante à rien. Ben voilà. Tu vois, moi c'est ça, là, je me blesse jamais à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je vois jamais dehors. Mm-hmm. Fait que tu sais. Puis je meurs jamais avec mes inventions parce que j'invente rien. Voilà. Mais c'est sur mon steak. Ben voilà. Problème réglé. À ne pas conseiller pour les végétariens. Sur son steak! Oh! Est-ce que tu penses que les gens s'assoient sur leur tofu? Ben oui, ça remplace la viande. Ben ou sur leur barre de pinot, mais c'est un substitut de viande. Parlons pour parler. Là. Ouais. Moi, j'aimerais mieux m'asseoir sur un tofu qu'un steak. Parce que le tofu, ça a l'air rebondissant. Ça, oui. Ça a l'air full de fun. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. C'est frais. T'sais. Oui, c'est comme les jeunes disent, frais. C'est frais. Je dis, c'est frais. C'est ça? Non. C'est vrai. Ah, oh, mais... Ouais, les jeunes enfants. Mais YOLO! YOLO, mais pas trop. Mais pas trop. Ah, ben, les autres, ils ont juste vécu une fois. You only live once, là. C'est pas le résumé de ces gens-là. Bref. Tout à l'heure, Maxime Bilodeau s'en vient pour sa chronique d'une foulée à l'autre. On va répondre à des questions fondamentales de la vie. Mais pour l'instant, Thomas Darcy, I wake up every day. Assemblage requis jusqu'à 9h. En direct des studios de C'est fou, ça. À Trois-Rivières. City. City. Everything. thinking of an island maybe. Oh, Archipelago, take me. I'm looking to isolate me, Terra Incognita, baby. I'm getting away from all that. Retour à la chronique sportive d'une foulée à l'autre avec Maxime Bilodeau. Reste là. Ah, c'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F. 81. F. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. 7h31, toujours avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Et c'est toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Yeah! Yo! Oui. Comme les pièces détachées, c'est comme ça me rappelle les poupées, tu sais, Ken, Barbie, tu veux comme leur enlever leurs bras puis leurs jambes. Tu sais, les... Non? Non, non. Ben, non? Moi, j'étais plus la génération Lego. Okay, okay. Ça, c'était vraiment détaché. C'est la même chose. C'est vraiment détaché. Sauf que ça mène pas à mon jeu de mots. Ben, c'est sur l'observation que c'est d'une foulée à l'autre. Faudrait comme réinsérer nos pattes dans nos jambes de Barbie pour pouvoir faire ta chronique. Mais bon. Bon, ben, je te pardonne pareil. Je t'aime pareil, Mathieu. On laisse faire. On fait comme si on n'avait rien dit. Voici d'une foulée à l'autre. Voilà. Accueille Maxime Bilodeau pour d'une foulée à l'autre et aujourd'hui on répond à des questions fondamentales. Des grosses questions. Le genre de questions que quand tu poses ça autour d'une table, là, t'es sûr de partir un débat parce que tout simplement parce que ça a un gros potentiel à. À débattre. À débattre. Ben voilà, ça a un gros potentiel à faire. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est ça. Donc. Je vais texter les chroniqueurs des prochaines chroniques, puis on va juste débloquer tout le reste de l'émission pour faire juste. Juste débats. Voilà. Je leur écris. C'est comme demander qu'est-ce qu'un chien. Tout le monde a une définition de qu'est-ce qu'un chien. Fondamentalement, c'est un concept, on a une idée vague d'un chien. Sauf que là, quand on s'en va dans le détail de qu'est-ce qu'un chien, oh boy, là, on peut... Ceci n'est pas une pipe, comme disait l'artiste qui a dessiné une pipe. Oui. Une pipe, là, l'affaire que tu fumes. Très, très, très, très connu, l'artiste qui a dessiné une pipe. Oui, comment? Bon, pas de culture, moi. Pas de culture. Donc, la fameuse question, ben, les fameuses questions, parce qu'il y en a deux. Qu'est-ce qu'un sport? Et qu'est-ce que la santé? Tu sais, mettons, tu parles golf, est-ce que c'est un sport? Exactement, on va en arriver là tôt ou tard. Donc, en fait, ce sont des concepts fondamentaux. Le sport et la santé, c'est comme deux grandes classes, deux grands domaines fourre-tout dans lesquels on met à peu près tout. On semble, dans la vie tous les jours, on semble s'entendre à savoir qu'est-ce que le sport, qu'est-ce que la santé. Je donne un exemple d'un journaux, il y a tout le temps une section sport, on met plein d'affaires là-dedans, mais est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est. Moi, personnellement, quand on me parle du défenseur du CH qui nous raconte sa dernière semaine et sa petite grippe et son mal au bas du corps, Je me demande, est-ce que c'est vraiment du sport? Tellement pas. C'est ce que je pense réellement. C'est mais ça, je c'est notre opinion. Et voilà, c'est l'opinion, voilà. Donc, c'est deux phénomènes qui se côtoient intimement. On pourrait quasiment dire que le sport est indissociable de la santé. Ceci n'est pas une pipe, j'ai trouvé l'image de ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas une pipe, les auditeurs ne le voient pas, mais ceci n'est pas une pipe. C'est une pipe, c'est marqué ceci n'est pas une pipe. Et c'est qui le créateur de cette œuvre? C'est qui le graphiste? C'est qui le graphiste? Ah, quelqu'un à la GE, je sais pas. Non, attends. C'est Magritte. Ah oui. OK, bon, ben, bonjour Magritte. Ça nous écoute. Si tu m'agrites, si tu t'agrites, on le saura jamais. On le saura jamais. Donc, on revient. Qu'est-ce que dans le fond, le sport et la santé, ce sont des choses, effectivement, qui sont indissociables. On peut présumer que, bon, quand on fait du sport, on va devenir en santé. Quand on est en santé, il faut nécessairement faire du sport. Ouais. Autant qu'on peut les opposer l'un l'autre. Est-ce que le sport, c'est véritablement la santé? Est-ce que c'est parce qu'on fait du sport qu'on est véritablement en santé? Personnellement, moi, je pense que les athlètes élites ne sont pas nécessairement en santé. Au contraire, ils sont dans le limite pathologique, limite excessif. Donc, on pourrait encore divaguer très longtemps là-dessus. Sauf ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment tenter de définir qu'est-ce que c'est précisément. C'est quoi, dans le fond, vraiment précisément le sport quand on s'attarde à la définition claire, on va dans un dictionnaire, on cherche la définition et on en fait les grandes lignes. Qu'est-ce que c'est? Et même chose pour la santé, qu'est-ce que c'est? Donc, je n'attends pas plus et je commence directement avec le sport. Donc, la définition que j'ai trouvée du sport, c'est... Et si j'ouvre la guillemette, une activité physique exercée dans le sens du jeu, de la lutte et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de certaines règles. Donc, il y a trois notions là-dedans. Ouais. Première notion, c'est la notion d'activité physique dans un contexte de jeu. Tu bouges. Qui implique un certain effort. Ouais. Donc, on peut penser qu'il y a une notion d'activité musculaire, donc des dépenses énergétiques. On bouge. Donc, mettons, les billes, ce ne sera pas un sport parce que tu bouges pas. Mais il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de quantitatif. Effectivement, c'est qu'il y a juste une notion de mouvement, mais il n'y a pas d'intensité. Là. Aha. Donc, tantôt. Animé à la radio, ça peut être du sport. Oui, parce qu'on bouge, c'est cul. On va s'y faire. On ne nous voit pas, mais on est comme des familles italiennes. Donc, également, il y a un sens de compétitivité, c'est une certaine violence. Donc, quand on dit que ça implique un certain effort, c'est une violence. Donc, une certaine, que c'est pas juste de l'exercice, c'est pas juste je fais mon petit jog de 30 minutes. Pénard. Non, c'est qu'il y a une violence. Tu fais du jogging contre quelqu'un. Effectivement, où dans tes oreilles, il y a des zombies qui courent après. Ah, j'en ai entendu parler, mais jogging ça existe. Donc, deuxième notion, c'est la notion d'entraînement méthodique. Donc, ça implique que c'est améliorable par une certaine pratique, un certain conditionnement. Tu peux devenir un expert là-dedans. Ça exclut donc la notion de chance, de hasard. Il y a une certaine technique. Donc, même si, mettons, jouer au slot machine, tu bouges ton bras pour activer le truc. Ce n'est pas un sport. Non, parce que tu t'amélioreras jamais. On en reparlera tantôt, mais on va parler du poker tantôt. On va s'amuser. Donc, la majorité de la programmation de RDS tombera pas dans les sports. C'est ton opinion. Donc, troisième notion, c'est la notion de règles et de leur respect. Donc, ça implique des lois, des codes, des règlements, donc des fédérations, des institutions, des organisations qui chapeautent un peu tout ça. Ouais. Je vais vous donner un parallèle très simple, une analogie très simple. Il faut que mettons, t'es au Texas, à Austin, tu joues au soccer. Ben, si tu en vas en Chine, à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, ben, il faut que le Chinois joue lui aussi au soccer de la même manière. Ça, c'est des règles claires. Universel. C'est universel. C'est comme un McDonald's, tu t'en vas au Japon, c'est le même McDonald's que sur des forces. Exactement, tu vas avoir le même Big Mac. Si tu comprends bien, Mathieu, c'est très bon. C'est très bon, j'aime ça. On vulgarise bien, ça. Merci. Ben, je rends ça pour les épais. Non. Faire du sport, c'est manger du McDo, c'est finalement. C'est ça. Trempe la frite dans le ketchup et tu vas l'améliorer parce que le ketchup va être de plus en plus bien placé sur la frite. Effectivement. Oh, l'expert. Juste le milligramme de... Voilà, on va chercher le cœur, on va chercher le ketchup. Donc, il y a également la nuance de... Il faut également nuancer avec le jeu. Un jeu, bon, c'est un jeu, c'est pour se divertir. Un sport, ça va être nécessairement dans un contexte de compétition. De gagner. Et voilà, on fait pas juste participer, on gagne. On fait pas juste s'amuser. Participer, là. Ça fait encore là référence à la certaine violence de tantôt. On est là pour arracher la tête à son ennemi, ou à peu près. Perdre pour les losers. Et voilà, belle leçon ce matin, les enfants. Donc, à noter que je n'ai pas parlé des concepts suivants. Apparence physique. Okay. Juger un livre à sa couverture, dans le fond, ça revient à ça. C'est pas parce que le sportif est gros, il fait l'embonpoint. Mettons, c'est un sumo, là. C'est pas parce qu'il est gros que c'est pas un sportif. Non. En dessous de sa graisse, je peux vous dire que Il y a tout un paquet de mousse. Et voilà, et voilà. Et c'est pas parce que quelqu'un, on va revirer la chose de l'autre bord. Pas que quelqu'un est V-neck, gros muscle, gros pipe, c'est tout et tout, que c'est un sportif. Non. Je tiens à le dire. C'est peut-être juste des shakes, puis des piqûres, puis du Botox d'Impex. Et voilà, ou un amour inconditionnel pour ses biceps. Oui. Ça, c'est, ça arrive souvent. Ça, il s'entraîne beaucoup, mais... À l'ordinateur, tard le soir. Non. Où il y en a qui couchent avec leur bicep droit dans un petit bec. Ils ont des becs. Ouh. Là, ça va tout de suite le tromper avec le bicep gauche. Wow. Voilà. Ça fait bien, hein? C'est beau à la radio. C'est beau ce matin. Et on devrait vraiment avoir une caméra ici. La chaîne est... La chaîne est juste là. Donc, également, je n'ai pas parlé d'argent, de médiatisation. Ça, c'est les amateurs versus les professionnels. C'est pas parce que c'est commercial que c'est un sport, nécessairement. C'est pas parce que c'est très populaire, que c'est mis de l'avant, plus, que c'est un sport. Mm. Très bon exemple ici. Red Bull... Crash Dice. Non, pas Crash Dice. Stratos, monsieur Baumgartner. Stratosphere. Ouais, qui tombe dans le vide, là. Oui. C'est ultra médiatisé. Est-ce que c'est un sport? Il est juste sauté en bas. Là, et voilà. Ben, c'est du sport avant. C'était du sport avant. Oui, effectivement. Le build-up de 3 ans pour aller là, c'est du sport. Et je peux vous dire que physiologiquement, c'est très impressionnant. Mais pour les néophytes, effectivement, on peut se poser de sérieuses questions là-dessus. Autre question. Universalité, accessibilité. Tantôt, on en parlait un peu, mais c'est un peu plus dans l'aspect riche versus pauvre. Est-ce qu'il faut absolument que tout le monde le pratique pour que ce soit un sport et vice-versa? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a juste une minorité de la population qui, à quelque part, en Angleterre, c'est comme le décathlon moderne ou l'heptathlon moderne, que c'est genre de la nage, de la course, du tir à la carabine, de l'équitation, plein de disciplines par rapport mises ensemble qui est aux Jeux Olympiques. au Botswana, ils pratiquent pas ça. Non. Okay? Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un sport? Ah, on pourrait ça. Questionner en même temps, mettons, le ski, il y a des pays qui ne peuvent pas le pratiquer non plus. Est-ce que ça devient pas un sport parce que tu ne peux pas le faire en Afrique? Et voilà, le climat, c'est un excellent point, effectivement. Quoique, il y a des Africains qui sont... c'est un exemple comme ça, mais ouais. Il y a des Africains qui sont des champions de ski. On peut revenir sur ça là-dessus. C'est assez comique. Donc, autre question, c'est la notion de technologie, d'ingénierie. Donc là, je vais donner un exemple très simple. La course à pied versus la Formule 1, admettons. Ouais. Bon, est-ce que c'est parce que tu utilises une voiture ou qu'il y a justement une grande part de développement d'ingénierie? Il y a beaucoup de développement sur les souliers aussi. Là. Effectivement, il y a beaucoup de développement sur les souliers. Sauf qu'entre toi et moi, courir, c'est même si tu n'as pas de souliers, c'est faisable. Mais faire la voiture automobile, si tu n'as pas de voiture, à moins que tu te mettes à léviter. Les pierres à feu avec la... Moi aussi, je fais de la course automobile, t'as vu? Ah, wow! Je pensais que c'était Dino dans la pierre. Moi, j'avais plus une image genre Dragon Ball, le monde se met à se voler, puis ils mettent à accélérer de même, en se semblant de prendre un volant. Là. En tout cas, trop d'imagination. C'est vrai que tu faisais le Harlem Shake. Sans commentaire. Dernière notion, j'ai pas parlé de dopage non plus ici. Pourquoi je parle du dopage? C'est que, à quelque part, ça pourrait être un indicateur d'une certaine culture sportive, donc d'un certain sport. On se dope parce qu'il y a des enjeux. Donc, s'il y a effectivement c'est assez important enjeux, que tu prennes de ça. Effectivement. Ouais. Mais là, maintenant, on pourrait se questionner à savoir, tu sais, prendre un café le matin avant d'aller à son cours ou ingérer 4 cafés par jour pour être juste fonctionnel. Si je fais quasiment pas référence au professeur chercheur de l'université. Petite parenthèse de même. C'est simplement qu'effectivement, on pourrait se questionner à savoir, dans le fond, est-ce que le dopage n'est pas quelque chose de juste tout à fait normal, comportement dopant. Donc, toutes ces questions-là étant dites, on va aller un peu dans le vif du sujet, des cas tendancieux. Un peu de traduction, où trace-t-on la ligne avec ces cas-là? Ouais. Donc, on va commencer avec, c'est mes préférés, tir au pistolet, j'aurais pu parler de tir à l'arc, de dard, de beer pong. Est-ce que c'est un sport? Je vous pose la question, messieurs. Les premiers, oui, beer pong, je suis pas sûr. Non, beer pong, moi non plus, là, c'est plus un loisir. Mais le tir, c'est qu'il faut s'entraîner pour que ton corps bouge pas quand tu tires, faut que tu saches viser. Tu peux t'améliorer. Oui, effectivement, tu peux devenir un certain expert. Ça, je ne remets pas en question. Les adeptes de tir à l'arc ce matin, attendez-nous pas avec arc et flèche en sortant du studio. Hunger Games va rester juste là. Juste moi. Coup de gong. Hunger Games. OK, quel film... Non, Jennifer Lawrence, pardon. Voilà. Le livre est bien meilleur, par contre. Ouais. Moi, c'est la première notion qui m'interroge sur le tir au pistolet. La notion d'activité physique dans un contexte de jeu qui implique un certain effort, une certaine violence. Ouais. Tirer à l'arc, est-ce que c'est vraiment violent? Mettre la tête devant la flèche, puis c'est violent. Hein? J'ai jamais assisté de compétition de tir à l'arc. Mais est-ce que, mettons, il reste juste deux participants à la fin, puis ils sont dans le gros showdown, la grosse finale? Est-ce qu'il y a vraiment une tension? Ou je sais pas, j'ai de la misère à l'imaginer. Ouais, c'est plus cérébral. Ouais, voilà, ouais. C'est genre une game d'échecs, là. Ouais, Kasparov contre l'ordinateur. Là. Mais c'est ça, mais la notion de méchanceté, si on veut, là, c'est aussi la rivalité. Oui, effectivement. Ça peut être plus vu sur un coup de rivalité, parce que, mettons, le curling, tu vas vont pas donner un coup de... Quand je parle de violence, je parle pas de cross-check. Non, là, mais mettons, la même compétitivité entre le curling et le tir à l'arc, je pense, peut être intéressant. Ouais, peut être intéressant, effectivement. Donc, on dit, oui, les sports de tir sont mm-hmm. tant qu'à moi, effectivement, sont des sports. Ouais. Donc, maintenant, les sports motorisés. J'en parlerai brièvement tantôt. Là, je parle de go-kart, les formules NASCAR, Indy 500, blablabla, F1, il y en a. Name it. Ouais. Ah ouais, motocross, et voilà, course de quatre roues, course de motoneige, oncle Villeneuve. Ouais, on pourrait dire que c'est du sport, c'est pas du sport qui demande, il me semble, tant, je sais pas, là, je juge ici, là, mais c'est plus la machine qui fait la job que toi. Là. C'est plus la machine qui fait la job. Mais en même temps, les conditions dans la machine sont quand même pas si évidentes que c'est ça. Savoir contrôler ta machine aussi. Ouais, il y a une notion d'art et de science à la chose. C'est comme un cheval, mettons, tu parles de polo. C'est un bon parallèle, effectivement. En fait, j'ai un frère qui, lui, est crackpot du sport automobile. Mm-hmm. Et puis, il me l'a déjà expliqué à maintes reprises et il en aurait beaucoup probablement à me dire. Mais l'entraînement que les pilotes automobiles doivent subir, en fait, ce sont des véritables athlètes comme tel. Mm-hmm. Pour juste être derrière le volant dans des conditions il faut qu'ils soient capables de se thermoréguler, donc de gérer la chaleur et tout et tout. Il faut qu'ils soient capables d'endurer la course automobile. Je veux pas, il y a toutes les forces G. Compagnie, quand tu tournes et tout, ça demande une certaine force, puissance musculaire. OK. Même s'ils sont assis. On dirait que je suis plus impressionné par le pit crew que par le chauffeur de l'automobile lui-même, mais bon, je peux comprendre son point. De l'autre côté, par contre, je me demande, mettons les courses de chevaux avec des jockeys, où c'est le jockey qui contrôle son cheval, mais en même temps, c'est le cheval qui va courir vite. Fait que tu sais, vraiment, là, est-ce que là, le parallèle est. C'est pas comme jouer au polo, là. Le jockey, pendant l'épreuve, comme tel, le 30 secondes, maintenant que ça dure, probablement que ça dure plus longtemps, là. Mais pendant 30 secondes que ça dure, c'est pas vraiment impressionnant. Par contre, faut tout le temps penser un peu au côté préparation physique. Là, c'est une déformation professionnelle, moi, je pense tout le temps de même, mais les jockeys. Ce sont des gens qui sont excessivement maigres et ils doivent garder cette maigreur-là. Là, oui, vous allez me dire qu'il y a peut-être des moyens un peu détournés et, parenthèse, dégueulasses, pour garder cette maigreur extrême-là. Mmh. Par contre, il faut quand même qu'ils se préparent. Il faut quand même qu'il y ait quand même une gestion, un entraînement. La notion d'entraînement est respectée. Donc, on pourrait mettre un bémol là-dessus, mais tant qu'à moi, effectivement, les sports motorisés, effectivement, ce sont des sports. Ça reste du sport. Le poker, on en parlait tantôt. Le fameux poker. En fait, la notion d'activité physique est juste pas en tout respectée. La notion d'entraînement méthodique, le poker, c'est un sport. C'est de la chance. Par contre, c'est juste la game. Mettons, on prend une game de poker, effectivement. Chez les amateurs aussi, on pourrait. Bon, il y a beaucoup de bémols à mettre. Par contre, quand on regarde un tournoi de l'ensemble, on se rend compte que c'est un marathon, premièrement. Ça dure très longtemps. Il faut qu'ils gèrent toutes leurs émotions, leurs états, leurs. C'est plus du talent d'acteur que du talent de sportif. Talent d'acteur, mais je dirais, en fait, c'est comme quand on fait une épreuve d'ultra-endurance à la course à pied, c'est qu'on traverse des cycles. T'sais, on se demande tous après 42,2 km, sacrément, comment on fait pour continuer à courir? Déjà qu'à 30 km, ça commence à être dur avec le fameux mur. Mm-hmm. Comment on fait pour continuer après? Ce que je semble comprendre, j'en ai jamais fait, un jour peut-être, c'est qu'on traverse des vagues. Des vagues de oh, on est complètement à terre, on est mort, on veut mourir d'avance, puis on marche, on remonte. Là, ouais, on repogne un état d'euphorie, ça va bien. Là. Ouais. On repogne, c'est des up and down, même des vallées. Donc, à moi, le poker, ça dure plusieurs heures, ces compétitions-là. Moi, je le vois un peu de même. OK. Bien sûr que t'as l'aspect gagner, t'as l'aspect s'améliorer. Donc, t'as pas mal la plupart des critères du effectivement. Sport, là, c'est l'activité physique, dépenses. Ben là, peut-être moins. Peut-être moins, effectivement. Le prochain, là, lui, est encore plus tendancieux que ça. C'est l'alimentation sportive. J'en parlais quelques semaines. Ouais, Kobayashi, ça, les trois critères. C'est une compétition. Là. C'est pas une compétition sportive. La notion d'activité physique qui n'est pas en tout là. La notion d'entraînement méthodique. Tu nais avec la capacité de manger 30 hot dogs en 10 minutes. Là, ou je sais pas. Là, c'est complètement. Il n'y a pas vraiment d'entraînement que tu peux faire derrière ça. Je vous en parlais un peu des façons qu'ils s'entraînent et c'est carrément dangereux. Là. Oui. C'est boire pour distendre ton estomac, pour le rendre pour qu'il soit flasque et mou. Sauf qu'en buvant des tonnes de litres d'eau comme ils font, uh-huh. ils ont des troubles électrolytiques, puis ils se ramassent à l'hôpital, puis c'est ultra dangereux pour la santé. Là. Donc, moi, je comprends pas ça. Puis la notion de règles et de leur respect, y a-tu vraiment des règles à respecter? Oh, pour sûrement, mais ça a-tu du sens? Sûrement pas. La saucisse ne doit pas excéder tant de diamètre. Ouais. Bon point. Mais bon point. Au carnaval étudiant, quel âge de bière, hein, mettons? C'est un sport, ça? Oh boy! Tu sais, quel âge de bière? Pas bonne sûr. Question, très bonne question. Et le dernier qui, encore plus, j'étais encore dans le plus tendance que ça, le competitive gaming, soit les tournois de jeux vidéo. Les LAN parties, puis ouais, Major League Gaming. Est-ce que c'est du sport? Ben oui, oui, non, non. Ah ben oui, oui, non. Ça y est. Mais pousse. En fait, la seule notion d'activité physique que je vois, c'est quand vraiment là, ils sont frustrés, puis ils débranchent la net, puis ils crissent dans le mur. Moi, je connais du monde qui font ça généreusement, ou qui ont fait déjà ça généreusement dans leur jeunesse, et c'était très beau à voir. La notion d'entraînement méthodique. Ok, oui, tu peux devenir meilleur à ton jeu vidéo, mais c'est pas toi qui es devenu meilleur. Meilleur. Au moins, ce facteur-là, tu peux t'améliorer. C'est, un comme, jeu vidéo, c'est comme le poker. C'est ça. C'est la même chose, mais il n'y a pas le sport. Ouais. Tu t'améliores, tu es compétitif. La notion de règles et de respect aussi, tant qu'à moi, est très grise. Là. Y a-tu vraiment des règles et des respects derrière ça? À part respecter les règles du jeu, mais c'est le jeu comme tel qui te impose. Si tu joues à Xbox Live avec les micros et les petits jeunes qui parlent contre ta mère, là, non, il n'y a pas de respect là-dedans. <c'est pas. rire> Ta mère. Oui, effectivement. Et au Québec, c'est pas très populaire, mais dans d'autres pays, il y a des compétitions très sérieuses de gaming. Des ça se passe dans des arénas. Des champions de StarCraft, des champions de Diablo et tout. C'est effectivement très impressionnant. Ils deviennent des vedettes, puis après ça, ils deviennent la face d'une compagnie qui fabrique des claviers pour gamers. C'est vraiment des grosses vedettes. Effectivement, voilà. Effectivement. Parenthèse, mais c'est, je le disais en ouverture, c'est un sujet riche en débat. On a des heures, effectivement. À l'origine, quand j'ai écrit cette chronique-là, il y a à peu près 2 semaines, j'aurais dû continuer et finir mon sujet de sport, mais j'ai trouvé une parenthèse qui est comme trop dans le sujet, donc il faut que je vous en parle, OK? C'est pour ça que j'ai fait un petit post-it rajouté à la chose. En fait, je suis tombé sur le cas, je vais vous poser la question, est-ce que le mini-pot est un sport, d'après vous? Carl Kamani! Est-ce que le mini-pot est un sport? Ben, depuis 2009 au Québec, le mini-pot a été reconnu officiellement par un tribunal comme un sport. Okay. Et pourquoi? L'histoire derrière ça, et c'est là que c'est très amusant. Une bourse. Ça? Non, mais je sais pas. Le gars, il voulait avoir une bourse de sport, puis il a dit je joue au mini-pot, puis il l'a pas eu. C'est encore pire, là. Ça, c'est vraiment tordu. En 2007, une entreprise de Laval, ça s'appelle Potting Edge. C'est du mini-pot intéressant. Ah, The Cutting Edge, ma place, c'est The Potting Edge. C'est débile, comme je le montre. Clin d'œil. Les jeunes déjà. J'ai de mots de jeu. Donc, le propriétaire de ça s'est rendu compte que 70% de sa clientèle était composée de personnes majeures, dans le fond, plus que 18 ans. Oui. Donc, était susceptible de consommer de l'alcool. Oh. Donc, lui, il s'est dit, bon, hey, mon Dieu, je veux pouvoir servir de la bière. Donc, je vais demander un permis d'alcool, parce qu'au Québec, il faut un permis d'alcool pour servir de l'alcool. Ouais. Donc, c'était un peu le même principe que dans les centres sportifs et les arénas. Il voulait faire ça, dans le fond. Donc, il a demandé à la Régie des alcools et des jeux du Québec pour justement un permis. Cette régie-là lui a refusé le permis, alléguant que le mini-pop n'était pas un sport. Ouais. Il ne respectait pas les critères de sport. Et elle s'est fondée exactement sur une définition comme au moins, ils sont renseignés quand même. Effectivement. Ce qui a fait, le propriétaire n'en est pas resté là. Il s'est dit, oh mon Dieu, moi, je veux servir l'alcool, donc je vais faire la démonstration. Je veux pouvoir voir sa job. Je vais faire la démonstration que le mini-pop est un sport. Okay. Il a fait la démonstration, il a monté un dossier qu'il a présenté devant un tribunal et le tribunal a tranché en sa faveur. Ce qui a fait que le mini-pot en 2009 est officiellement devenu un sport à tout le moins au Québec. Donc, est-ce qu'on analyse un peu la façon moi, la façon m'importe peu. La concentration, l'entraînement. On l'a déjà fait, mais c'est juste dire qu'il y a un cas de jurisprudence là-dessus. Il y a vraiment la loi s'est penchée là-dessus. Ça a du sens quand même. Ça a du sens. Même si c'est un sport de bon niveau, à mon avis. C'est comme les quilles, tant qu'à moi. C'est comme les quilles. C'est au même niveau, mais. J'avoue. Effectivement. Donc, mais les quilles ont des permis d'alcool. Voilà. Jurisprudence encore une fois. On pourrait se demander, est-ce que le mini-pot pourrait pas être comme l'étalon? Un peu le minimum, le plancher, à savoir... La ligne. Quoi. Et voilà, en bas du mini-pot, là, oh, ça serait plus intéressant. Du sport. Qu'est-ce qu'il y a en bas du mini-pot? Ça serait très intéressant. Le Mississippi. Le bridge. Le bingo. Le Mississippi. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. C'est l'affaire que tu lances. Oui, c'est comme le curling sur table. Exactement. Et puis dans tous les bons foyers pour personnes âgées. Ouais. Donc, en bout de ligne, dans le fond, tenter de définir le sport, comme j'ai dit, c'est teinté par nos croyances, nos a priori. Car en réalité, le sport, c'est très large, c'est très inclusif. Donc, ce serait très difficile de trancher. On l'a bien vu, on pourrait jaser encore des heures et des heures et des heures là-dessus. Ce qu'on fait à date, et voilà, et voilà. Donc, personnellement, parce que bon, ça revient à ça, moi, je vais vous proposer ma définition du sport. Donc, je fais référence ici au terme dans vieux français de sport qui voulait dire des sports. Qu'est-ce que ça veut dire des sports? C'est un divertissement, un plaisir physique ou de l'esprit. Donc, des plaisirs physiques ou de l'esprit. Donc, notion de plaisir physique-esprit. Bon, donc, moi, ce que je vois, comment j'interprète ça, c'est que c'est être hors de soi-même. Donc, vivre une certaine transcendance à travers une activité que l'on fait. Et ultimement, ben, ça revient à la définition première de pourquoi le sport est inventé, c'est éviter de s'entretuer. C'est être en paix avec soi-même et avec les autres, trouver un moyen de canaliser son énergie, de l'investir dans quelque chose de constructif et qui ne mène pas justement à la guerre, à la violence, à s'entretuer. Ouais. Donc moi, pour moi, c'est ça le sport. Donc la guerre en Irak n'est pas un sport. N'est pas un sport. Mais les Olympiques, oui. Les Olympiques, oui. Les Olympiques, oui. Donc maintenant, pour le reste de la chronique, on va faire la liste de tout ce qui est un sport. Donne-moi tous les sports. on va y aller pour la santé à la place. La santé ne sera pas aussi long parce que c'est un peu moins riche, ou plutôt c'est un peu moins sexy comme sujet. On va le dire demain. Donc, définition de la santé faite par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est que la santé, c'est un état de bien-être complet qui ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, encore là, trois notions ici. Donc, la notion d'état. Un état, là, c'est tout ce qui est plus relatif, subjectif. Encore le Mississippi. Encore le Mississippi. Et voilà, et voilà. On a nommé le Texas, mais le Mississippi, là, il nous en reste 49, c'est bon. Donc, c'est la notion d'état, il y a une certaine relativité, une certaine subjectivité. C'est plus un sentiment. Ben, ça fait plus référence à ça qu'un sentiment. Donc, c'est très relatif. Et c'est un peu le physiologique versus le psychologique. Donc, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est vraiment la santé? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de physique ou c'est quelque chose de vraiment psychologique? Bon, là, c'est une très bonne question à se poser. Fait que tu peux pas être en santé, mais bien avec ça. Fait que tu serais en santé selon la définition. On arrive avec les autres notions. On va justement s'en aller vers une sorte de définition paradoxale de Mongol. Mais tout simplement, vous dire que dans les cultures, il y a des très grandes différences. Donc, dans la culture anglophone, francophone, versus les Premières Nations, je suis tombé justement sur les travaux d'une madame de l'université Saint-Boniface, c'est ce qu'elle disait, dans le fond. Elle avait questionné des anglophones, des francophones et des gens de Première Nation pour savoir c'était quoi leur définition de la santé et voir les différences dans la définition de santé. Et encore là, ça fait un peu référence, là, j'ai un peu pris l'idée de ce genre de ça, c'est super intéressant. Deuxième notion, c'est la notion de bien-être complet. Donc, on peut se poser la question à savoir les besoins fondamentaux versus superflus. C'est quoi, dans le fond, un bien-être complet? Est-ce qu'il faut que tous les besoins soient respectés? Ou juste les besoins fondamentaux, genre pyramide de Maslow, on la connaît tous, là, les niveaux, il faut se nourrir, se loger, blablabla, puis après ça, on verra aux autres problèmes. On pourrait se questionner à savoir est-ce que les besoins affectifs, sanitaires, nutritionnels sont plus fondamentaux que les besoins sociaux, culturels, financiers, spirituels, etc., etc. Là, c'est un jugement qu'on porterait en faisant ça. Et il y a également la notion de temps. De quand à quand s'inscrit le bien-être complet? Est-ce que ça s'inscrit de l'état qu'on est, l'état de gamète, là, genre on est à la préconception, là, à la mort? Est-ce que c'est de la naissance à la mort? Est-ce que c'est du moment que l'on est une pensée à un moment que le monde nous oublie? Est-ce que c'est quoi, dans le fond? C'est encore là très, très philosophique. On pourrait se questionner beaucoup là-dessus. Et finalement, la troisième notion, c'est la notion d'absence de maladie ou d'infirmité. Ça, on l'a tous déjà entendu. C'est pas parce qu'on dit « je suis pas mal, donc je suis bien, donc je suis en santé » qu'on est nécessairement en santé. C'est pas aussi simple que ça. Donc, ça implique un certain idéal, un certain standard de qualité. Puis l'infirmité, c'est pas parce qu'il te manque un membre que t'es pas en santé. En santé, et voilà. Oh, très bon point, Mathieu, très bon point. Donc, dans le fond, ça revient à dire que la notion de santé, c'est une utopie complète. Ça n'existe pas. En fait, nous serions tous malades. Oui. Tout simplement, dans un sens de même, jusqu'à un certain point, on serait tous malades. Donc, c'est davantage un objectif, comme je disais, à atteindre, un idéal sur lequel travailler, donc plus qu'une réalité. Donc, c'est une quête, la quête de la santé et tout. Donc, il y a toujours une place pour l'amélioration. Donc, c'est un processus continu, de là la quête. J'aimerais ça finir cette petite réflexion sur la santé avec deux belles citations qui, tant qu'à moi, incarnent bien, justement, la notion de santé. Donc, la santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Donc, nous serions tous malades. C'est un peu... un peu ça, par Jules Romain, je me trompe pas, écrivain, philosophe français. Et dernière citation, c'est « La santé est la pierre d'assise du bonheur. » Sans santé, il n'y a pas... Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. On peut pas vaquer à nos occupations. Nous ne pouvons pas être heureux. C'est on ça. On le sait tous, c'est quand on a un rhume. Fait qu'on dit « Ah, ouais, j'ai un rhume. Mon Dieu, que c'est dur. Ah, que c'est dur la vie. Ah, ou le fameux mal de tête. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, c'est dur la vie. Ah, mon Dieu, c'est pas le fun. » Par contre, quand on l'a pas, ben là, on trouve encore là des moyens de chialer. Donc, soyons heureux avec... en cas, notamment la santé, nous avons déjà beaucoup de choses. Nous pouvons construire là-dessus, nous pouvons en profiter. Donc, mon message de ce matin, c'est profitez-en, faites du sport, faites de l'activité physique, sortez dehors, vivez la vie. Le printemps est à nos portes, il fait super beau à matin, gros soleil, petite brume, c'est super sexy. Sortez dehors! Regardez les filles passer, c'est un sport. Oui. Cool. C'est un sportif. On va retourner à nos notions. Ça dépend si ça implique une activité physique. Oh! Activité musculaire. Tes yeux, tu peux le faire comme à l'italien. Genre, tu vois une belle fille passer. Caliente. Caliente. Ah non, ça revient. La notion d'entraînement méthodique, on peut devenir meilleur à ça. J'en suis convaincu. C'est vrai. Je suis rendu maître. On va avoir un petit avantage. Finalement, la notion de règle et de le respect. Il y a des règles, on sait. Il y a des règles. Et voilà. Chez les filles, mais chez les gars aussi, quand une table de gars autour d'une bière au printemps, quand il commence à faire beau, il y a une règle qu'on a écrite que le premier qui spot une fille, c'est comme, c'est à lui. Là. Call dibs. Et voilà, c'est ça, shotgun. c'est ça l'expression. Donc voilà, cela met fin à ma chronique épique. Bon, ben, ça fait sur notre oui. pertinence. On te retrouve sur internet d'une foulée à l'autre.com. Sans faute, pour entendre d'autres élucubrations comme que je fais le matin, tous les matins, tous les jeudis matin, eh bien. Ouais. D'une foulée à l'autre.com, effectivement. On quitte dans un campus sur deux semaines. Toujours. Hey, ça finit bientôt, ça. Je pense que c'est le dernier article. Il reste deux numéros, je crois, avec celui qu'on est en train de monter. Donc, il en reste un pour toi qui l'a déjà écrit. Il faut synchroniser. Je suis tellement triste. Et on se quitte. Ben, merci encore une fois, Maxime. À jeudi prochain, 7h30. Vous de même. Bonne journée à nos auditeurs. Ouais. Et on se quitte avec une pièce de Major. Et c'est ping-pong. Oh! C'est juste un sport, le ping-pong. Ah. On va débattre de ça pendant la pause. Faut prendre un break, parce que c'est horrible, et ça veut nous détruire. Est-ce que ça te choque? Prends tes affaires, on s'en va. On reviendra sûrement pas pour y retourner encore. On a beau faire le tour du monde, changer de ville, changer les choses, pour se perdre dans les mêmes histoires qu'on se racontait. On se brasse d'un bord puis de l'autre, toujours à rejeter la faute. Une balle de ping-pong, une balle de ping-pong. On a beau faire le tour du monde, changer de ville, changer les choses, pour se perdre dans les mêmes histoires qu'on se raconte. Major et la pièce que j'adore, Ping Pong. Ping Pong. J'aime tellement quand une chronique me donne une idée de chanson, ça me force à sortir du palmarès et écouter des pièces que j'aime donc. T'sais. Puis on redécouvre des choses. Et moi, je ne connaissais pas Ping Pong. C'est très bon. C'est des anciens Major bidets. Major. Donc, c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On se retrouve tout à l'heure avec la collègue d'Angélie Durocher. Oui. Collègue Lélex. C'est toi qui lève et qui descend. Après ça, on aura François Landry et sa chronique politique Logocratie 101 sur le budget fédéral. Donc, on en parle tantôt. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Écoutons ça. C'est fou, toi. La misère. 481-1-1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours Assemblage requis en ce jeudi 28 mars 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Et on vient d'accueillir en studio Angélie Durocher. Bonjour à toi. Bonjour. J'espère que ta journée va aller là, dans le bon sens. Il fait soleil dehors. Je sais. Je, comme non, ça part bien mal ma journée. Mon adresse courriel envoie plein de masse mail. Fait que si vous recevez des courriels de ma part. Ah oui, j'en ai reçu un hier. Mais en tout cas, ne les ouvrez pas. Pour vrai, oui. Dans la vraie vie. Oui, oui. Wow. Mais non, mais il envoie vraiment comme à plein de monde. On va t'appeler, on va t'appeler Spam Julie Durocher. Genre, je sais pas ce qui se passe. Spam Julie Durocher. Oui, Pam Julie Durocher. Ouais. Prends des notes. Okay. Sur les mauvaises blagues que je fais. Ah, OK. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis là, ben, j'ai voulu comme enlever comme le plus possible tous mes courriels. Puis là, ben, j'ai effacé tous mes contacts de mon cell. Ah, c'est pas vrai. Fait que j'ai plus de contacts dans mon cell. J'envoie des mass mails. Puis c'est ça. Fait que ça va vraiment bien ma journée. Oh non, mais là, c'est plate. T'as pas de backup de ça. Non, mais en tout cas, je vais comme essayer de... Fait comme sur Facebook, tout le monde dit, tu sais, j'ai perdu vos numéros de téléphone. Textez-moi. J'ai les numéros de téléphone, je sais juste pas à qui ils appartiennent. Demande à tout le monde de texter. C'est les noms qui sont disparus. Oui, j'ai plus de noms. Ah, c'est poche. Non, c'est vrai. T'as un iPhone, hein? Ouais, j'ai un iPhone. T'es pas synchronisé avec iCloud, toi? Ouais, mais il était synchronisé. En tout cas, je comprends pas, mais Mathieu, tu pourrais essayer de m'arrêter. Moi, on s'en reparle. C'est ça que. On faut pas une chronique là-dessus, mais. Non, c'est ça. On te souhaite que ça s'arrête. Mes problèmes technologiques, c'est pas super le fun. Donc, Angélie Durocher, Spam Julie, dorénavant. Maman. Voici la chronique L'Index. Jusqu'à ce qu'on nous. Un index qui réveille une toute petite voix. Et l'index, c'est la chronique où tu nous présentes quelque chose qui t'est arrivé pendant la semaine, de bon ou de mal. J'espère que c'est pas la perte de contact qui va être le sujet de ta chronique. Non, mais c'est arrivé ce matin. Je vais peut-être vous en parler la semaine prochaine. Okay. Comment régler des problèmes. Comment ça aboutit. Tu sais, si il y a une fin heureuse, on va te le souhaiter. J'espère, parce que je suis un petit peu malheureuse pour le moment. Mais bon, il y a des choses, le fun, qui me sont arrivées depuis la dernière semaine. Oui, parle-nous-en, ça va te remettre sur le pitot. Ben oui, vendredi dernier, le 22 mars, il y avait deux lancements de livres au Lion d'Or à Montréal. Ah. Donc, j'ai dit le 22 mars, donc pour tout le monde qui a participé durant la grève et le mouvement étudiant du printemps dernier, donc c'est très symbolique. Donc, c'était deux lancements de livres, justement, sur la grève étudiante et le mouvement étudiant qui a frappé le Québec le printemps dernier. Le premier livre s'appelle « De l'école à la rue », puis il a été écrit par Renaud Poirier-Saint-Pierre, qui était attaché de presse de la classe, puis Philippe Étier, qui est un ancien exécutant de la C. Mais je vous parlerai pas de celui-là parce que je ne l'ai pas lu encore, mais je vais vous parler du deuxième, qui est une anthologie sur le printemps québécois, qui a été écrit par Maud Bonenfant, qui est professeure en communication sociale et politique à l'UQAM. Anthony Glionner, je suis désolée si je massacre son nom parce que je ne sais pas comment le prononcer, qui est en fait professeur de littérature à l'Université de Sherbrooke, et Martine-Emmanuelle Lapointe, qui est elle aussi professeure de littérature, mais elle à l'Université de Montréal. Donc, je me suis procuré ces deux merveilleux livres lors du lancement vendredi dernier. Mais, comme je l'ai dit, je vais vous parler de l'anthologie qui est merveilleusement bien faite. Je suis allée voir sur le site de l'OQLF, là, l'Office québécois de la langue française, comment ils décrivaient une anthologie. Donc, ils disent que c'est un document dérivé constitué par un recueil de documents ou d'extraits de documents. C'est exactement ce qu'est ce livre-là. On y retrouve, en fait, tous tout sur le mouvement du printemps dernier, à partir de février 2012 et jusqu'en février 2013. Ou très récent, très récent. Oui, très, très, très récent. Mais on voit aussi toute l'évolution, là, ça part de 1990. On parle des hausses de droits de scolarité. On voit vraiment un peu de tout. Dans cette anthologie-là, on trouve, entre autres, les tweets les plus frappants du printemps. On a aussi les slogans de manifestation qu'on a entendus pendant des mois et des mois. On a une description de qu'est-ce que l'école de la Montagne Rouge, qu'est-ce que le MERS, là, le mouvement des étudiants socialement responsables du Québec. On a une page complète dédiée à Richard Martineau, l'ennemi public numéro un des étudiants et des étudiantes. Franchement, Martineau. Ouais, c'est ça. on y décrit chaque type de manifestation parce qu'il y a eu différentes manifestations. Oui, il y a eu la manifestation monstre du 22 mars qui a rassemblé plus de 200 000 citoyens et citoyennes. Il y a eu les manifestations, donc on a vu le monde se dévêtir pour la cause dans les rues de Montréal. Il y a eu les manifestations à reculons, les manifestations de bonhommes. Il y a eu des marches funèbres. On en a eu une, entre autres, sur le campus de Trois-Rivières. Puis c'est ce qui est aussi bien dans cette anthologie-là, c'est que les événements à Trois-Rivières, ils sont répertoriés. Les événements locaux, là, vraiment. Locaux, oui, oui. Quand on est tombé en grève, les manifestations qu'on a organisées, tout s'y trouve. Bon, c'est sûr qu'il y a différentes actions qui n'y sont pas, par exemple la marche funèbre, mais bon, tu sais, les événements marquants s'y trouvent, ouais. C'est passé à Trois-Rivières, donc déjà ça, c'est très bien parce que j'en ai déjà parlé de quelques livres, en fait, portant sur le mouvement du printemps dernier, puis jamais on parlait de Trois-Rivières, puis c'est ce que je trouvais un petit peu dommage, ouais, de ces livres-là, parce que pour nous, en tout cas, à Trois-Rivières, pour la GEQTR, c'est quand même important, ça a été un mouvement important, on a eu notre première grève générale inédite. Donc, que ça se retrouve, en fait, dans une anthologie comme celle-là, où on répertorie vraiment tout, c'est vraiment le fun. C'est un beau cadeau, c'est en fait. C'est la reconnaissance. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, le tout est accompagné, en fait, là, de photos, de dessins, de poèmes. J'en ai parlé des tweets, des statuts Facebook. Vraiment, tout y est. Et, en fait, cette anthologie-là propose vraiment un état des lieux, des prises de parole qui ont jalonné, justement, ce moment. Qui a été très dense et qui a animé, en fait, l'histoire contemporaine du Québec. C'est avec une chronologie exhaustive des événements que les auteurs ont inscrit justement une archive de la grève étudiante. Puis, bon, j'ai beaucoup parlé du contenu, mais aussi tout ce qui est de la mise en page est très, très bien faite. Donc, je la recommande vraiment à tout le monde qui veut comme se remémorer le printemps dernier. Ça vaut la peine. C'est 30, combien? 34$. C'est quand même assez épais. Oui, oui. Aussi comme livre. Donc, pour 35$, t'as un gros livre. Oui, oui, ça vaut la peine. Si, il y a... C'est le troisième que je viens parler sur le printemps dernier. Oui. Mais c'est vraiment celui-là qu'il faut se procurer. OK, vraiment, parfait. Vraiment, là. C'est les autres, vous pouvez vous les procurer. Ils sont aussi excellents. Oui, les louer. Mais celui-là... Achetez-le. Et si vous voulez le retrouver en magasin, c'est très simple. C'est littéralement un gros carré rouge. Oui, c'est vraiment, oui, le fun. C'est ça. Puis, sur la page couverture, il n'y a pas les noms des auteurs. Ah, OK. Puis, j'ai été au lancement de livre. Puis, en fait, ce que les auteurs ont dit, c'est qu'ils n'ont pas voulu mettre leur nom sur la première page. C'est la population qui est importante, c'est quelque chose comme ça. Exactement ça. Ben ouais. On les voit venir, hein, c'est un peu cliché. C'est, ouais. mais c'est ça. C'était vraiment pour l'offrir aux militants et aux militantes. Parce que, tu sais, justement, ils ont retracé plein de personnes qui ont participé. Il a fallu qu'ils leur demandent leur accord avant de mettre quelque chose dans un livre. Donc, c'est vraiment un travail collectif. C'est comme ça qu'ils ont décrit leur œuvre. C'est publié chez Éco-Société. Puis, c'est pas mal ça. Mais procurez-le-vous. Oui, achetez-le. Achetez-le. Le printemps québécois, c'est ça? C'est ça, c'est en plein ça. Une anthologie, le printemps québécois. Donc, allez feuilleter ça, puis c'est sûr vous allez vouloir l'acheter. Parfait. Merci, Anne-Julie Durocher. Ça fait plaisir. Merci. Et t'as parlé qu'il y avait de la poésie un petit peu dans le livre, donc ça me rappelle les trois accords. Voici C'était magique, Nuit de la poésie 2. Oh! C'est ça, un assemblage requis. Et après ça, c'est la chronique politique de François Landry. Les trois accords, et c'était magique, entre parenthèses, nuit de la poésie numéro 2. Numéro 2. Number 2. Pourquoi numéro 2? On sait pas. Ben pourquoi pas? C'est les trois accords, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ben, on va le voir. C'est comme Windows Live Mail, puis Windows Live Merde. Oui, c'était un très bon jeu de mots. C'était de ta part, là? Non. J'ai pas lu. C'est aucune preuve. Ah. OK. Alors, avant d'accueillir François Landry, ben, en fait, on peut l'accueillir maintenant. Hein. Il est là et il peut participer quand il veut. Pas sur le micro que je pensais qu'il était, mais quand même. Salut, ça va? Le 42e micro. 42e, oui, micro 42, oui, on dirait de Winnipeg. Oui, live à Winnipeg. On se voit par télé parce que la table est tellement grande qu'on a des petites télés. Hein. Télescopiques. Oui. Ouais. Donc, c'est la chronique Kinky Sexy Time. Oh oui! Kinky Sexy Time, évidemment, quelques petits faits pour un public plus ou moins averti. On va y aller en rafale, des faits rapides comme ça, on jase. Savez-vous ce qu'est la tripsolagnie? Non? Dis-moi en plus. Ben voilà. C'est quand on est sexuellement excité après avoir reçu un shampoing sur la tête. T'es-tu sérieux? Ah, comme les pubs là, à télé. La fille à soi. Oui. Ah, oui. Herbalescence, c'est. On a mis quelqu'un d'autre limite que moi. Là. Moi, je pense que c'était comme la folle. La folie, je sais pas. Comment t'as dit? Oh, je sais plus. J'ai déjà oublié. Ben oui. Ben c'est ça. Une bonne blague de même, faut que tu t'en rappelles. Une bonne blague. ensuite de ça, le 12 septembre, c'est la journée de la conception en Russie. Donc, c'est un jour de congé donné aux couples simplement pour qu'ils aient des relations sexuelles et qu'ils se multiplient. Oh, ouais, c'est sûr qu'ils font tout sauf ça. On va profiter pour faire du ménage. Qu'est-ce que tu fais quand t'as un congé? Ouais, c'est ça, tu te laves les planchers. Tu te lèves tard. C'est ça, tu manges de la mauvaise bouffe. Là. Mm-hmm. Tu fais l'épicerie. C'est le 12 septembre. le célèbre amoureux, le lover Casanova. On connaît Casanova, qui utilisait un demi-citron squeezé comme contrôle des naissances. Donc, il insérait ça dans de la... Poink, flink! Un citron coupé en deux. Il était sur l'acide? Acide? Oh! Faut pas que t'aies de plaie là, hein? Ça te plaira pas. Non. En 2009... T'auras des pépins. Bah! Ça arrête plus! t'es rendu au noyau à l'essence. Ouais. En 2009... Une secte sexuelle en Australie forçait les gens à avoir des relations en public et leur disait que le faire avoir des relations, allait aider la moisson de bananes. Ça allait aider les bananes à pousser plus vite. Parce les bananes levaient plus vite. Oui, l'érection de la banane était... Ouais. L'érection de la banane. Ouais, devenait plus mûre plus vite. Aujourd'hui, je suis dans le mood de dire à Jean-Philippe, « Hey, check mes jokes, écris mes jokes, mes jokes. » Mais ils sont tellement mauvais, ça m'aime pas la peine. Le palmarès Mathieu. Palmarès Mathieu. Je vais le noter. Le céleri contient un agent chimique qu'on appelle quelque chose de chimique qui s'appelle l'endostérone et aussi de l'adrostenal, ce qui fait qu'on se sent nous-mêmes plus attirants. Quand tu manges du céleri, apparemment que tu te sens plus attirant. Moi, pourtant, j'ai jamais trouvé ça attirant, quelqu'un qui a un céleri dans la gueule. Ça fait du bruit, ça dégoûte, la couleur est déplaisante. Oui, attends un peu. Ouais. Go, vas-y. OK, ça pogne dans les dents, en plus, quand t'en manges. Oui, tu sais qu'il est sexy quand la fille se joue dans la bouche. Non, en tout cas, non. C'est pas comme chez un gars, ça marche pas. C'est peut-être le céleri quand il est servi dans un Bloody Caesar. Oui. Ou avec du cheese whiz dedans. Oh, peut-être. Cheese whiz done, personnalité. Est-ce que t'as entendu finalement le cheese quiz de lundi? Non. Ben, il faudrait. Ben, c'était un moment mémorable de l'émission. Mais j'attends le palmarès demain, vendredi, à partir de 7h. Okay. Également le samedi. Le meilleur de Cifou, c'est les vendredis matin à 7h et les samedis à midi. T'as bien dit ça. Merci. Ensuite, toujours dans King Sexy Time, ne pas dormir assez pendant la nuit, ça peut mener à un désir pour le sexe, ça peut mener à de la dépression et l'alcoolisme. Donc, si vous dormez pas assez... Non, je préfère l'alcoolisme, ouais. Okay. Le matin, t'es fatigué une nuit blanche, là, je goûte dormir. plus t'es attiré par quelqu'un, plus c'est facile de rire de la mauvaise blague. Fait que... Je suis pas attiré par toi, Mathieu. Non, c'est ça. Ça me donne des bonnes notes pourtant, pas des fois. Des fois, oui. Serrer des mains ou se faire cajoler, se faire serrer, OK, par quelqu'un que t'aimes, c'est prouvé, ça réduit le stress presque instantanément. Oh, François et Julie, spam Julie. Non, j'allais dire, je suis stressé, là. Fait que David Ferron me déstresse quand il me touche le matin. David Ferron flatte la main de Jean-Philippe. Oui, tous les matins. Quand il est là, c'est ça. Évidemment. Selon les statistiques américaines, si un partenaire fume, un mariage a 75% plus de chances de se terminer en divorce. Oh, message. Oh oui, prenez des notes. Ce qu'on appelle un switch, ok? Une personne qui s'appelle un switch, c'est quelqu'un qui peut passer à presque instantanément de la position dominante à la position soumise dans une relation. Donc, c'est des switches. Le couple change de rôle. Tu sais, des fois, dans un couple, tu vas avoir quelqu'un qui est clairement dominant, puis là, qui est clairement soumis. Switch. Intéressant. C'est... Eh ben, rien à dire de plus. Rien à dire. Une conversation de 5 minutes avec une fille que tu trouves sexuellement attirante. On suggère que c'est très bon pour la santé mentale de l'homme. Selon une étude, ils ont fait une étude là-dessus. C'est pour la concentration. Pour la concentration, ça va t'aider. Ouais. D'avoir une conversation de 5 minutes avec une fille attirante. Juste une conversation, pas, rien de plus. En 2012, un homme italien... Ouais, ça veut rien dire. Un homme italien a amené sa mère lors de sa lune de miel. Et sa nouvelle mariée, sa nouvelle femme, lui a demandé un divorce 3 semaines plus tard. Évidemment. T'amènes ta mère à ta lune de miel, faut pas long feu. Ouais. Si t'es fumeur en plus. Aïe, aïe. T'es en train d'avoir des conversations de 5 minutes avec une fille sexuellement. Avec ta mère. Avec ta mère, qui est la personne sexuellement attirante pour toi. Puis tu mets un citron comme préservatif. Un smoothie, mais à la place, c'est un smoothie. Non, note-la pas, ça. Non. Les femmes qui jouent à des jeux vidéo ont tendance à avoir plus de relations sexuelles et d'être plus heureuses dans leur relation que ceux qui ne jouent pas à des jeux vidéo. Selon une autre étude. Je vais avoir la note, celle-là. Parfait. Call of Duty. Oui, monsieur. Alors, appelle-moi, puis on va se faire du duty free. Non, quelque chose. Relation sexuelle dans un aéroport. T'abuses un peu, Mathieu, ce matin, là. J'essaye même plus. Écoute, peut-être que tu devrais aller en Russie faire une orgie. Ça lèverait peut-être plus. Oui, puis les bananes dans les champs. C'est ça mon lien. Bravo. Merci. La femme moyenne va porter 6 différentes grandeurs de brassières pendant sa vie. 6 différentes grandeurs. Okay. Ouais. En tout cas. Non. En tout cas. Selon les experts de brassières, il y a des bracer experts. environ 80% des femmes portent la mauvaise grandeur de brassière, donc faites attention à ça. Je pensais que c'était une nouvelle émission à Canal D. Les experts de brassières. Après les docteurs. C'est plutôt à Casa, ça. Après la rénovation du sous-sol. Mademoiselle, moi et compagnie. Oui, moi et compagnie. Ouais. Ah, c'est beau. Le yoga, c'est prouvé, peut améliorer la performance sexuelle. Tu connais plus de positions. Je l'ai fait une fois, puis je m'endormais tout le temps à faire. Ah non, mais c'est parce que tu fais de la musique. Il fallait la musique un petit peu plus sexy, tu sais. On retourne en Russie où on était tantôt. Un couple russe s'est fusionné presque. Ils ont été pognés ensemble après avoir essayé une position du Kama Sutra. Ils étaient pognés comme un bretzel. Oh! C'est déjà arrivé. On n'a pas la photo, malheureusement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça dit pas. En 1750, des bordels européens offraient du sadomasochisme à leurs clients. Avant-gardiste. Mais c'est ça. Varie ton menu, tu sais. C'est bien. Varie ton menu. les citoyens handicapés en Hollande peuvent recevoir de l'argent du gouvernement pour payer pour avoir des relations sexuelles avec des prostituées. Oui, j'ai vu ça. Ça a passé dans les journaux cette semaine. Ouais. Est-ce que c'est légal ou non? C'est-tu le fun? Oui. C'est légal, on se bat. Ben oui, c'est légal. Mais ben, les bordels se plaignent à savoir que les handicapés leur volent leurs clients parce que ça, c'est légal. Oh, controversé. Oui. La gamophobie, savez-vous ce que c'est la gamophobie? Polygamie, monogamie, non, c'est pas ça pour tout, c'est la peur du mariage. Oh! Je suis gamophobe. Parfait! Join the club! Yeah. Le plus long mariage enregistré à vie donc a duré 91 ans et 12 jours, imaginez ça. Faut que tu vives vieux pour avoir... On s'entend qu'on 110 ans en moyenne. Minimum. Ben, à moins qu'ils soient mariés très très jeunes, genre 10-15 ans. Ça pourrait arriver dans le bon vieux temps, hein, des années... ça fait... Des années d'antan. Dans le bon vieux temps. Des années d'antan. Pas sûr de vouloir faire le prochain? Ben oui, tu le veux. On rappelle que King Sexy Time est pour un public plus ou moins averti. Un massage rectal avec les doigts peut réussir à... mimer. Oui, de mimer. Je suis pas capable de pas faire des mimes dans la vie. Hein. Ça peut régler ton problème de hockey. OK? Ça, c'est comme les fromages d'ici. Hein. Il y en a pas 5, hein, des trucs pour le hockey. Tout le monde a un truc. Ah, c'est mon préféré. Ouais, ça, c'était juste un prétexte. Oui. Il y a un emploi à temps plein pour les hommes du pays qu'on appelle le Guam. D'accord? Ils sont payés pour aider les femmes à perdre leur virginité. Fouing! Ouh! Je m'en vais là. C'est un job à temps plein. Ouais. Il y a des bordels, encore une fois, on parle encore de bordels, de poupées sexuelles au Japon, où tu peux payer pour avoir des relations avec ton personnage de manga ou de dessin animé préféré. Bonne idée! Je suis comme même pas surprise. Non, moi non plus. On dirait que t'as une poupée puis tu mets un écran de télé dans sa face. Encore mieux, ça. Un genre de Tinky Winky. japonais. Mais des personnages, ouais, c'est ça. Des personnages que tu veux. Gros mauve et en tissu. Ah, ça coche. Ça doit pas être propre, tu sais. Le tissu, c'est comme un tapis, ça ramasse tout. OK. J'aimerais avoir le support auditif pour ça. Et, ça va être Jean-Philippe, mon support auditif, aussitôt que je vais appuyer sur play tout à l'heure. La chanson thème de Star Wars est la 20e chanson à plus jouer lors des relations sexuelles. Extrait. On est bon. Est-ce que c'est pour le beat, c'est le rythme du bassin? Oui, exactement. Fini avec Jabba the Hutt. Ouais. C'était épouvantable. Pourquoi? Voilà. Qui ferait ça? Je sais pas. J'espère que personne n'a fait ça pendant notre chronique. J'espère que non. J'aimerais avoir le top 19, par exemple, parce que c'est la 20e position, là. Imagine. Te rendre sur la grosse finale comme t'as fait là, c'est. Imagine mieux que ça. Oui, c'est ça. Les actrices. Et là, encore une fois, public plus ou moins averti. Je vous avertis encore. Vous vous rappelez de Two Girls, One Cup? Oui. Si vous savez pas, cherchez pas ça, parce que c'est pas intéressant. C'est deux filles qui font des relations avec une certaine substance brunâtre. Ouais. Donc, les actrices de Two Girls, One Cup se sont méritées $500 chaque pour leur participation dans cette vidéo pornographique à tendance scatophile. Ça valait 500 piastres. Ça valait la peine. Chaque, par contre, chaque. Oh, là, ça change tout. Bon, là. Ben voilà. Écoute. Ben voilà. Presque une adolescente, je pense que c'est adolescent masculin, féminin, une personne sur quatre qui est à l'adolescence a envoyé des photos nues à quelqu'un d'autre. Donc, le quart des gens. Du sexting, le quart. On est quatre en studio. Qui est le coupable? J'accuse! Toi, François, Internet ne veut pas exister. Hein? Oui, Internet, c'est la Dexlo à l'époque qu'il fallait que je tape. Ah oui, je me dessine avec des i. T'envoyais des fax. Je me rappelle que t'as Facebooké une photo de toi déguisée. C'est pas avec, moi, c'est ma soeur. OK, c'est bon, ta soeur. Sujet clos. Okay. 95% des femmes rasent leur partie privée. 95%. C'est presque 100%. Les chauves-souris mâles ont le plus haut taux d'homosexualité que n'importe quel autre mammifère. De tous les mammifères, c'est les chauves-souris qui ont le plus grand taux d'homosexualité. Parfait, ça. encore une fois, public averti. Mais pas tellement, en même temps. Le vagin. Le plus fort, le plus puissant du monde est capable de lever 33 livres. Non, je veux pas d'image en tête. Moi, je pensais que t'allais dire qu'il est capable de casser des noix, tu sais. Des noix! Tu sais, des noix de Grenoble, là. Ah. Oui, oui, oui. Des glaces. Trop loin. 15 mais kilogrammes. Mais très bonne. Oui, vraiment très, très bonne. Mais c'est beaucoup. Tu benches combien? OK. Restons dans le domaine des vagins. Ben oui, okay. Une fois qu'on est dedans. Ben une fois qu'on est public averti. Donc, le vagin moyen est, mesure entre 3 et 4 pouces de long. On l'avait déjà dit dans la chronique King Sexy Time, mais peut augmenter de 200% lorsque sexuellement excité. Donc, 3 à 4 pouces, ça veut dire 6 à 8 pouces lors de l'excitation. Oui, mime-nous la largeur. Merci. Belle image. Un homme sur 4 va éteindre les lumières pendant les relations sexuelles. On y va en rafale, okay? Faut se dépêcher, la collègue de François s'en vient. Donc le sperme qui vient de la relation sexuelle en comparaison avec la masturbation est 120% de meilleure qualité. On dit 120% plus de sperme, le volume est plus élevé et la qualité est augmentée. Donc le sperme de la relation versus la masturbation. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? La bassorexie, c'est avoir une faim, vouloir se rassasier. De baiser. Donc, c'est la bassorexie, c'est ceux qui aiment les baisers. Dans le monde du dating en ligne, les femmes ont peur de rencontrer un tueur en série, alors que les hommes ont peur de rencontrer une grosse fille. Oui. On va pas faire un combo des deux. Une grosse fille, tueur en série. Ça avec son vagin. La tueuse d'hommes. On va trop loin, on va beaucoup trop loin. On va demander au DG. On est correct jusqu'à maintenant? On est correct jusqu'à maintenant? On va trop loin? Parfait. Il dit oui. Il y a un fétiche où une personne est sexuellement attirée par les ballons gonflables. On appelle ça les Lunars. Il y a eu un épisode de Mon étrange dépendance là-dessus avec un vieux monsieur. C'est dégueulasse. Yeah. Dépendance, c'est ça. Dans une expérience américaine, lorsqu'on leur montrait de la pornographie homosexuelle gay, 80% des homophobes avaient une érection. aucunement surprenant parce que quand t'es anti quelque chose vraiment à outrance, c'est que t'es dans le fond exactement ce que tu veux pas. Mm-hmm. Bon, 80%, c'est quand même quelque chose. 17 616 hommes sont allés à l'urgence pour une blessure au, à l'entrejambe causée par un zipper de pantalon entre 2002 et 2010. Ça fait mal. 17 000 hommes. Il nous en reste juste quelques-uns. Le vibrateur est le cinquième produit domestique qui a été électrifié. Il est devenu donc électrique ou à batterie là, une décennie après l'aspirateur et le fer à repasser. Tu vois les priorités. Hein, exactement. Dans la maison, ben, l'aspirateur, je te dirais que c'était sûrement utilisé même chose. Exactement. Ça a aidé. En Europe, jusqu'au 17e siècle, les adolescents, donc les adolescents mâles, masculins, se faisaient toucher par leur nounou pour mieux s'endormir. Donc, c'était commun à l'époque, jusqu'au début du 17e siècle, de masturber donc les garçons pour avoir une meilleure nuit de sommeil. Le point G a une fonction de blocage de la douleur pendant la grossesse. Ben, pas pendant la grossesse, pendant l'accouchement, désolé. Donc, lorsqu'on applique de la pression au point G, la douleur d'une femme va descendre. En fait, sa capacité à tolérer la douleur va augmenter de 47%. J'essaie de le dire à l'endroit. Sa capacité de gérer la douleur va augmenter de 47%. Donc, ça va réduire, j'imagine, 47% de la douleur. Et finalement, on termine sur une belle note. Avoir des relations anales était punissable par la mort jusqu'en 1861 au Royaume-Uni. Tu sais, fallait qu'il sache. Fallait bien. Ouais. Voilà. On a fait un beau petit kink sexy time. Hein? Oui, c'était bien. On se dépêche, on prend une pause. On vient juste après avec François Landry. Le go cassis sort. C'est fou. Les extrêmes, ça nous anime. C'est F O U 89.1. Mardi à assemblage requis. Mardi mission, on aura Michel Lebrun, sa chronique panier à salade. On aura aussi, qu'est-ce qu'on a mardi, d'habitude, Kiwan, la liberté. Ouais. Et sa chronique Kiwan en cavale. Bonne émission, on est en congé lundi, mais on va passer une rediffusion, fait que faites-vous en pas avec ça. Mais de retour en direct de mars, mais on va être en forme aussi, on va manger plein de chocolat. Oh oui! Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis, on passe directement à François Landry. Voici Logocratie 101. Pas de temps à perdre. Non, s'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Ça va? Oui, très bien. Oui, content de te revoir comme toujours pour parler de politique avec toi. C'est bien gentil. Bien, les gens sont excités par la politique et aiment en entendre de plus en plus à chaque semaine. Oui. Quand on te laisse le temps. Tant mieux, oui. Oui, c'est un peu ça que ça veut dire. Il est juste tard. OK, genre, OK. Ouais. La semaine passée, c'était le budget au fédéral. Hein? Tout le monde, on a tous suivi ça à la télé en direct. On voulait savoir c'était quoi les chiffres. Est-ce que je vais payer plus d'impôts? Hein? C'était ça la conclusion. Est-ce que je vais payer plus d'impôts? Non. Il n'y a rien qui change. En fait, le budget 2013 est en fait le budget de l'an prochain. C'est les... Il s'appelle 2013, mais c'est comme les magazines qui sortent en février, mais c'est le numéro du mois c'est de... C'est ça, on a déjà les costumes d'Halloween chez Walmart qui nous attendent. C'est quasiment ça. Les mesures les plus importantes ne verront pas le jour avant 2014. Donc, on se demande pourquoi ils ont fait ça là. Ouais. Mais bon. À court terme, rien ou presque ne sera dévolu dans nos portefeuilles, donc il faudra patienter. C'est pour ça que l'intitulé de mon exposé de ce matin, c'est « Est-ce que c'est un budget politique ou économique? Ouais. » On verra à la suite, à la fin de ma chronique, en fait, si c'est un ou l'autre. Les exemples les plus concrets que je pourrais vous donner, c'est qu'une entente de 500 millions de dollars par année avec les provinces sur la formation de la main-d'œuvre devra être négociée d'ici 2014-2015. Donc, ça n'entre pas en application aujourd'hui. Un autre exemple, le nouveau programme d'infrastructure Plan Chantier Canada, doté d'un budget de 47 milliards de dollars sur 10 ans, qui aidera les villes et les provinces, ne commence pas, lui aussi, avant 2014-2015. Un programme pour aider les personnes handicapées à mieux s'intégrer au marché du travail verra le jour en 2014. Un autre programme de formation pour les personnes handicapées sera bonifié, lui, en 2015, etc., etc. Donc, on voit le topo, là. Donc, toutes les nouvelles mesures, c'est juste pour l'an prochain. Sur un budget de 263,9 milliards de dollars au fédéral en 2013-2014, donc cette année, le gouvernement a annoncé des dépenses supplémentaires de 900 millions. Il a investi 900 millions de sa propre poche, soit 0,3% de son budget. Par contre, on va avoir un retour d'argent grâce à un remaniement des enveloppes dédiées. Donc, on va... Exemple pour la lutte à l'évasion fiscale. On veut vraiment montrer les crocs là-dessus. On va aller voir les petits qui font de l'évasion fiscale et non pas les gros. Franchement, ils rapporteraient trop d'argent. Ils nous rapportent ben trop. C'est ça. Ils nous rapporteraient ben trop. Donc, ils iraient chercher 400 millions de dollars. Là. Donc, ils veulent investir 900 millions, mais en retour, ils vont recueillir 400 millions. Donc, le gouvernement ne va dépenser d'argent neuf que 500 millions de dollars sur le budget de 263,9 milliards de dollars. Donc, vraiment des peanuts. Il n'y a aucune dépense, aucun revenu supplémentaire. C'est juste statu quo total. L'économie du Canada étant au ralenti et les revenus à Ottawa aussi, en partie en raison de leurs décisions précédentes. Mais si on reviendra, exemple, les F-15, les navires militaires, la guerre en Afghanistan, la guerre en Libye et autres patates patata de même, ça coûte extrêmement cher. Donc le gouvernement n'a rien voulu tenter de trop important cette année. C'est, on le précise, ils sont à la mi-temps de leur mandat. Donc pas de vague. On renouvelle les ententes l'an prochain, on disperse quelques mesures, puis on attend, on attend, on attend. On espère que l'économie redécollera en 2014. Donc, au lieu de faire des prévisions budgétaires, ils ont consulté Jojo Savard, puis ils ont dit qu'est-ce qu'on fait cette année. Elle a dit, ok, c'est correct, on fait le statu quo. C'est bien 5 minutes. Dans le budget, il y a deux mesures qui font réagir le gouvernement du Québec et l'ensemble de la société québécoise. C'est juste de tout qu'on entend parler ces derniers jours. D'abord, la nouvelle orientation en matière de formation de la main-d'œuvre. Qu'Ottawa va négocier avec les provinces d'ici l'an prochain, puisque l'entente arrive actuellement à échéance. C'est une entente Québec-Ottawa, mais comme un contrat, dès qu'arrive à la fin, on renégocie, mais le gouvernement d'Ottawa veut pas renégocier, il veut juste pas le reconduire. Le fédéral verse actuellement 500 millions de dollars par année aux provinces, 116 millions uniquement pour le Québec. Donc, on est vraiment gagnant là-dedans. C'est une pièce sur cinq, ça va au Québec directement. Pour soutenir la formation de la main-d'œuvre. Donc, dès que tu es au chômage, dès que tu es en recherche d'emploi, tu fais une demande au gouvernement, puis on te paie pour tes démarches et pour te former. Donc, on paie l'entreprise comme si tu faisais un stage. Donc, tu reçois un salaire en échange de l'entreprise d'une subvention. Donc, l'entreprise ne débourse rien, mais elle permet de te former. Et dès que tu es formé, tu es apte à retourner au travail ou à occuper le poste pour lequel tu étais subventionné. Souvent, c'était pour les décrocheurs qui veulent retourner au travail, mais surtout les étudiants qui n'ont aucune expérience à part un bac à lauréat en littérature des nuages. T'as-tu de quoi contre les bacs en littérature? Pas contre le bac, mais contre toi. Bon. Ah! Oh! C'est gentil. Je te flatte. Il nous reste un mois à travailler ensemble. Hein? J'ai oui, donc, quand t'as pas d'expérience du marché du travail, tout ce que t'as fait, c'est être caissé dans un dépanneur, puisqu'on s'entend qu'étudiant, tu peux pas faire 40 heures dans une usine de métallurgie, c'est bon. Donc, tu profitais de ça, t'avais un stage rémunéré d'un an, deux ans, trois ans, tout dépendamment de ce que l'assurance emploi faisait pour toi. Donc, c'était vraiment très utile. Ottawa veut utiliser, donc ils vont couper les 500 millions. Ils vont par contre récupérer 300 millions de cette enveloppe pour subventionner directement la formation des travailleurs. Donc eux autres, dès que maintenant tu vas chercher la job, Ottawa va donner 5 000$ à l'employeur. L'employeur devra débourser lui 5 000$ et non plus gratis comme à l'époque. Et Québec sera obligé maintenant de débourser 5 000$. Donc c'est 15 000$. Donc un salaire annuel de 15 000$. On s'entend, c'est le revenu minimum garanti quand tu fais 40 heures semaine. Donc, à 15 heures, quand t'es un étudiant, c'est pas trop tentant, disons. Donc, le fédéral veut que la province en fasse autant que les travailleurs en formation. Si le Québec embarque pas, Ottawa embarque pas. Donc, le Québec a comme pas le choix pour... sinon, la population va grogner un peu. Ah. Donc, c'est là que la négociation va se compliquer. Les estimations font état d'une somme de 75 millions de dollars par année pour le gouvernement du Québec, alors que c'était 116 millions dans l'actuelle entente. Donc, un manque à gagner de 30 quelques millions. Donc, au Québec, on n'arrête pas de couper partout, encore les CPE récemment. Donc, il va falloir aller chercher un 35 millions juste pour équilibrer ce qui est actuel. Un autre dossier, c'est le crédit d'impôt, les fameux crédits d'impôt. On était en pleine période des REER. On voyait plein de pubs, la FTQ, la CSN, pour dire investir dans nos fonds d'action ou dans nos fondations, puis vous allez avoir un revenu d'impôt supérieur à la normale. C'était grâce au crédit d'impôt qu'Ottawa avait. Parce que c'est 15% habituellement un crédit d'impôt quand tu prends un REER. Quand tu prends un REER avec la FTQ, tu as un 15% supplémentaire, donc tu as le droit à un revenu d'impôt de 30%. Donc, pour chaque pièce que tu mets, tu en reçois 30 cents. C'est très intéressant, ça, parce que tu mets 100 pièces, tu reçois 30 pièces. Donc, tu as juste déboursé 70 pièces. C'est un des REER les plus en demande, oui, mais en plus, l'argent que la FTQ et la CSN prenaient grâce à ça, donc on donnait littéralement de l'argent à deux centrales syndicales, ils réinvestissaient non pas dans les portefeuilles des actionnaires, mais dans les entreprises. Donc, une entreprise est en difficulté. La FTQ, qui était, mettons, ses employés étaient syndiqués FTQ, bon, la FTQ prenait de l'argent et réinvestissait de l'argent des contribuables, donc de son fond, de sa fondation, dans l'entreprise pour dire, regarde, on va t'alléger ta souffrance pendant les deux prochaines années, mais on veut pas de congédiement d'employés. Ah, là, le patron était content, là, ça sans intérêt à rien, là, ça, c'était vraiment un cadeau du ciel. Mais là, en coupant les crédits d'impôt d'Ottawa vers les centres syndicales uniquement, on pourrait plus faire ça. Comment qu'on va dire aux gens maintenant, il n'y a plus rien de sexy pour dire investir dans un REER, mettez 5 000$ par année dans un REER. Excuse, mais s'il n'y a pas de rendement, s'il me donne juste 15 cents plutôt que 30, on va aller voir ailleurs. Hein? Je vais mettre ça dans mon bas de laine, dans ma petite tirelire, ça va faire plus d'intérêt. Mais on dirait vraiment que le gouvernement un peu en a contre les centrales syndicales et les syndicats. Là. Ben, tu dis. de couper là-dedans, puis ils voulaient aussi les rendre plus transparents en disant toutes les dépenses et tout ça. Là. Exactement. Donc, centrales syndicales, oui, est-ce que c'est par pure idéologie? Probablement, c'est pas sûr. Est-ce que c'est contre le Québec en tant que tel? Probablement aussi, parce qu'on n'a pas envoyé beaucoup de députés conservateurs à Ottawa. Et de plus, on n'a plus besoin du Québec pour être majoritaire maintenant à Ottawa. Ils le sont, sans le Québec, donc on se fout un peu du Québec. Probablement que c'est une orientation politique plus qu'économique, parce que c'était rentable, mais en fait, le gouvernement n'a plus à investir dans les entreprises. Ce sont les centrales syndicales qui le font, donc habituellement, quand ton voisin veut te payer un char, tu dis oui, t'as pas à faire. Donc, les 400 millions de dollars par année en crédit d'impôt que verse Ottawa pour les fonds des travailleurs sera réinvesti dans du capital de risque régulier. Demande-moi pas c'est quoi. Aucune idée. Je suis historien de formation, pas transparent. Économiste. Oui. Géré par des firmes privées, non plus par la communauté ou des actionnaires donc syndiqués, sans obligation d'investissement local ou de développement économique à plus long terme. Donc, ils peuvent dire, on augmente nos salaires, on se donne des ristournes là-dessus plutôt que de réinvestir dans les entreprises. C'est ça la grosse différence. C'est pas en fait que c'est méchant ou pas, c'est que on passe du public, si on veut, de la communauté, du communautarisme, à des grosses poches qu'on ne connaît pas, parce que ça peut être des étrangers aussi. Donc, le crédit d'impôt supplémentaire de 15% d'Ottawa, de 15% de Québec, était une façon d'attirer les citoyens et de proposer des rendements intéressants puisque ces fonds sont davantage orientés vers le développement économique local et des PME. Et ce qui demande, par contre, une dose de patience pour les investisseurs puisque c'est pas trop rentable à long terme. Mais quand tu dis que le gouvernement n'a plus à investir là-dedans, ça peut être rentable vu que c'est quelqu'un d'autre qui investit à ta place. Donc, l'objectif n'est pas uniquement le rendement. L'Ontario, par exemple, en 2012, l'ont aboli aussi ce crédit d'impôt-là. Donc, on va faire comme l'Ontario. Hein? On aime tellement ça se comparer à l'Ontario. Si l'Ontario le fait, ça doit être bon pour le Québec. Hein? Donc, ils l'ont fait en 2012. Maintenant, c'est au Québec. Donc, les centrales syndicales, FTQ, CSN, en priorité, montent aux barricades. On va en entendre parler. Ils ont déjà une alliance de proposer pour contrer ça. Et hier, Pauline Marois a nommé Jules Duceppe sur une commission pour étudier comment qu'on pourrait faire pour que ça ait un impact zéro au Québec, le manque des crédits d'impôt. Donc, je reviens au sujet principal qui est-ce que c'est un budget économique ou politique? En fait, ça a l'air politique pas mal. Ça a l'air très politique. Pourquoi la recherche de l'équilibre budgétaire à tout coup alors que les finances publiques canadiennes sont les plus saines du G7? On est le pays qui s'en sort le mieux avec la crise économique mondiale. Oui, on est un des mieux nantis par notre système bancaire très solide. Il y a deux raisons à ça. La première, il y a maintenant des élections à date fixe au fédéral, prévues en octobre 2015, tout juste après le budget du retour à l'équilibre budgétaire. Stephen Harper est en train de capitaliser sur le côté bon gestionnaire de son gouvernement qui aura réussi à rétablir les finances publiques. Donc, on fait rien cette année pour que l'an prochain, on puisse investir partout tout en ayant un déficit zéro. Donc, tout le monde va dire « Waouh, il est tombé bon, lui. J'aimerais ça l'avoir comme maire. » Maire, c'est comme les finances dans une maison, là. Oui, oui. Hein? Bon. Ensuite, Bruno Le Maire Corbeil, évidemment. Ouais. J'attends les élections, ça doit être ça. Ouais, ça doit sûrement qu'une illusion à faire. Ensuite, les promesses électorales les plus accrocheuses du Parti conservateur lors de la campagne de 2011 ne peuvent s'activer qu'une fois le budget arrivé à équilibre zéro. Donc, ils ont fait des promesses en 2011. Ils ont dit dès qu'on aura l'équilibre zéro, on va investir partout. Mais il faut pour ça avoir l'arrivée. Donc, stratégiquement, ils ont dit on va le faire un an avant nos élections. Donc, on va pouvoir investir partout avant. Donc, c'est wise. Pendant 3 ans, ils n'ont rien fait. Puis là, dernière année, ça va être le popcorn partout. Là. Harper a notamment promis de doubler le crédit d'impôt pour les conditions physiques des enfants. Donc, plus t'es bacaise, plus tu auras des crédits d'impôt seulement, je sais pas. De permettre le fractionnement des revenus entre conjoints, ça, c'est une excellente mesure. Si ma conjointe gagne plus que moi, je vais pouvoir mettre de ses impôts sur mes impôts, donc équilibrer, donc elle ne payera plus d'impôts, moi j'en ai payé, donc on va arriver à zéro. Ah, c'est intéressant. Ça, au moins, c'est une bonne promesse. Seulement ceux qui ont des enfants. Ça, j'avais pas lu. Il va falloir que t'aies des enfants. Je vais en pointer à quelqu'un. De créer des régimes de pension agréés collectives, de bonifier les crédits d'impôt aux aidants naturels et d'améliorer le supplément de revenus garantis versé aux personnes âgées. Donc, des mesures très, très populaires pour la population, mais pour 2014-2015. Donc, on pourrait dire que ce sont des armes de séduction utiles. Tout juste avant la prochaine bagarre électorale, les raisons du retour à l'équilibre budgétaire sont politiques, comme le disait Mathieu, et non pas économiques. Donc, c'est un budget, oui, déclarons-le ainsi, politique. C'est officiel. Ouais, on c'est a tranché. Ça a été dit. Tranché. Si ouais. François le dit, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Mm-hmm. Déjà fini? Ben oui. Oui, non, c'était tellement palpitant. Mais. Ben, OK, la semaine prochaine, je vais parler du budget économique du Québec. OK. Est-ce que tu vas faire le local? Genre Trois-Rivières? Il n'y a pas ça. Honnêtement, je ne m'intéresse pas à la politique municipale. Non. Mais à l'automne prochain, promis, c'est des campagnes électorales ici. Là, Yves Lévesque va peut-être demander un renouvellement de mandat. OK. C'est clair que tu vas me voir dans une chronique quelconque. Ben, on a hâte. Et pour vrai, ta chronique est très adorée par bien des gens. Donc, c'est populaire. J'ai eu mon premier fan dans la rue cette semaine qui a dit « J'aime ta musique d'intro ». Je dis, OK, cool. Merci. Quand même. T'aimes-tu la suite? Si seulement c'était quelque chose que t'avais choisi toi-même, ce serait comme quoi, valorisant, mais c'est moi qui l'ai choisi. Fait que je vais prendre ça, moi, comme un compliment. Ben oui, ben félicitations, Mathieu. Merci. Moi, je te dis que ta chronique est très, très bonne, même ben, si des fois, ça me dépasse, mais t'es bon pour ramener comme à mon niveau. Ouais, on se met au diapason. On se comprend. Donc, merci encore et on se retrouve jeudi prochain à 8h30. Oui, monsieur. On écoute une nouvelle pièce du palmarès anglophone. Avant de se dire au revoir, voici Hunter Valentine et The Pulse. Sur C'est fou. On prend le pouls politique. Hein? Le politicien a-t-il un pouls? Question à répondre la semaine prochaine. Mm-hmm. Sont-ils des robots? Making you dinner, you couldn't think of a word to say. I tried to picture a lifetime of not waking up next to you. I couldn't shake out this feeling. Deception grew and grew. Cause it's the pulse that feeds the lonely. It's the beat that doesn't stray. Yeah, it's the pulse that feeds the lonely. Never Hein? De passe par Hunter Valentine, hein? J'ai pas de... T'as pas de... avec le... sur... avec le... dans le... C'est ça. C'est la fin de l'assemblage hockey pour cette semaine et on remercie les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire François Landry, Angie Durocher, Maxime Bilodeau, Jean-Philippe Charbonneau, c'est toi? C'est moi-même, Mathieu Plante, c'est toi? Apparemment. Lundi, on est en congé, il va y avoir une rediffusion d'une émission de cette semaine. J'ai à date, j'espère rediffuser, c'est le mercredi, je pense que c'était pas mal bon. OK. Lundi, on va voir. Je t'en reparle. Mais je vais en profiter pour te souhaiter des bons congés de Pâques. Oui, toi aussi, bon poisson d'avril, je te dirais. C'est vrai, c'est dommage, on pourra pas faire de coups en non, onde. C'est ça, on s'arrangera peut-être. Sinon, tu dis congé, ben parle pour toi. Parce que moi, je suis pas en congé. Mais non, je sais. Donc sinon, restez à l'écoute pour le dîner de con qui s'en vient à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, en l'après-midi, je serai de retour avec Stéphanie Paradis pour animer les Palmarès C'est Fou, condenser la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. En soirée, c'est de l'électronique avec 13e étage. Ensuite, électro-tactile et la nouvelle émission Aime ta nuit qui commence ce soir à 22h. C'est aussi de l'électronique, donc ça va être très très bon. Restez à l'écoute tout de suite, là, juste après nous, pour La Belle et les Bêtes. Oui, monsieur. Qui s'en vient. Alors qu'on se quitte avec une pièce d'Atomic Baobab, Bababi Bobu. Bababi Bobu, la raid du dimanche. Faisons ça. En francophone, ça va aller. Et puis, bonne fête de semaine. Hey, bon 4 jours. On se revoit mardi. À mardi.